but de cette finale. C'est fini. Loulou Nicolas, Montpellier, René Girard, il se brise la Ils sont champions de France. On est les champions, putain. On est les champions. Bonsoir à tous et bienvenue sur Sport & Chill. C'est la saison 3 et l'épisode 12 aujourd'hui donc de Sport & Chill. On se retrouve ce soir, hein, toujours un plaisir évidemment, avec Dimitri et Théo à ma gauche. Salut les gars. Salut à tous. Salut la famille. À ma droite, Guillaume toujours là avec la casquette habituelle. Ah, le rituel, hein, vous connaissez. Et retour, hein, quand même, c'est un petit moment qu'on n'avait pas vu avec un magnifique sweatshirt Star Wars, ça je suis obligé de le dire. Ah, salut Anto, ça va? Bientôt la sortie, le comeback. Une petite semaine la sortie d'ailleurs, je crois, non? Le 13 novembre. 13 décembre. On a hâte. On note. On va parler aujourd'hui donc du tirage au sort de la Coupe du Monde de football, le gros week-end biathlon également aussi pour les Français, les championnats de petit bassin, de natation à Montpellier. Au niveau du sport montpelliérain, bilan négatif. C'est assez rare, faut le souligner. C'est vrai. 3 victoires, 1 match nul et 5 défaites. Même, genre, je crois 6 défaites parce que j'avais pas compté la Coupe d'Europe au basket. Ouais, il en manque au foot, hein, quand même. C'est dur. Et donc, l'interview aujourd'hui, on aura une interview, donc plein de débats. On aura Rachel Alcovero ainsi que son coach Damien Leroux donc, qui viendront nous parler basket féminin. D'ailleurs, je remercie Léa de nous avoir envoyé encore un espoir de. Elle nous régale. Un espoir de. Du sport, on peut dire, tout simplement. On fournit des espoirs à foison. Voilà. Donc, on les accueillera tout à l'heure en deuxième partie d'émission. On va commencer tout de suite avec les résultats de la semaine. Sport and Chill, tous les lundis de 19 à 21h sur Radio Campus Montpellier. On va commencer par le football, on va parler des championnats, mais on va pas s'y attarder parce que j'aimerais bien parler du tirage au sort de la Coupe du Monde, surtout aujourd'hui. En Serie A, l'AS Roma a gagné 3-1 contre le SPAL, la Juventus a gagné 1-0 au Napoli, donc qui était le gros match. On avait parié sur ça, peu de personnes avaient parié la Juventus, mais il y en avait certains quand même. C'est une belle surprise, quand même, un bel exploit. L'Inter qui carbure en ce moment, hein, donc 5-0 contre le Chievo à domicile. Et la Samp Lazio, j'ai oublié le résultat, je ne l'ai pas. Je crois qu'il y a eu 2-1 pour la Lazio dans les dernières secondes. D'accord, bah merci de le préciser. En tout cas, ça ne change rien au classement, puisque l'Inter est premier avec 39 points, prend la première place d'ailleurs, je crois, à partir de ce week-end. Napoli est deuxième, 38 points, et la Juventus, 37 points, donc c'est très serré pour... Dans les dernières secondes aussi, il y a eu le premier point... de l'équipe Benevento, contre on en parlera un peu plus tard du gardien. On en parlera un peu plus tard. On en parlera dans le quiz surtout. Petit changement de côté. Excuse-moi, je t'ai d'accord. Spoilé. Yes. Première ligue, il y a Chelsea qui a gagné 3-1 à Newcastle, alors qu'ils étaient tout de même menés au début. Brighton se fait atomiser par Liverpool 5-1 à domicile. Tottenham qui laisse des points, qui décidément ce moment n'y arrive pas trop. À Watford, 1 partout. Arsenal qui perd 3-1 à domicile contre Manchester United, grâce notamment à un de Réa exceptionnel, il faut le dire, je crois, avec 17 arrêts, le nouveau record de cette année. Et Manchester City, 3 fois de suite, qui se sauve à la fin, et encore là, donc ils ont gagné 2-1 contre West Ham. C'est les signes d'un champion, ça. C'est les signes d'un champion, en effet. 13ème victoire en 15 matchs. Ouais, correct. Ce qui fait que, oui, donc au classement, Manchester City a 43 points, et donc 8 points d'avance sur Manchester United, qui en a 35, et Chelsea qui a 32 points. Ouais, gagne le derby, c'est fini, quoi. Voilà, le derby, ça sera notre pronostic, vu que ça sera la semaine prochaine, dimanche prochain. Voilà. Bundesliga, le Bayern Munich reprend sa marche en avant après la défaite la semaine dernière, 3-1 contre Hannover. Leipzig, là c'est la petite surprise en Allemagne, qui se fait battre assez sévèrement 4-0 contre Hoffenheim. Schalke qui laisse des points en route contre Köln 2-2. Et donc au classement, le Bayern 32 points, Leipzig 26 et Schalke 25 points. Oui. Ouais, et Dortmund qui perd encore des points en route, un nul à Leverkusen. Voilà. Malgré le changement tactique, là ça sent vraiment la fin pour l'entraîneur. J'ai même pas noté pour te dire. Et c'est encore une question du quiz, donc vous verrez bien. Non mais c'est plus précis, on verra. J'espère. En Liga, Barcelone laisse des points également, donc 2-2 contre le Celta Vigo, mais au final le Real aussi. Ça va encore plus que les autres, les concurrents perdent beaucoup de points également. L'Atlético, contrairement par contre, eux gagnent des points, 2-1 contre la Sociedad. Séville qui gagne aussi 2-0 contre la Corogne. Cependant, le Real a fait 0-0 contre Bilbao, et surtout Valence qui perd contre Retafe 1-0. Ouais, et puis intéressant à noter, c'est la bonne performance de Leganés qui gagne 3-1 contre Villarreal, et Leganés qui est 7ème et qui a une très très bonne défense. Ouais, qui s'était promu dernièrement. Ouais, voilà. C'est le Montpellier d'Espagne. Équipe très surprenante cette année. Et c'est ce match-là que le Barça se fait voler là, sur le but qui est rentré. C'était et... Leganés, ouais, je crois. Ouais, c'est possible. Ouais, ouais. C'est, ça, ouais. C'est fort possible. Là aussi, un bel arbitrage. Ouais, alors, on en parlera tout à l'heure. Je me calme. Il y a à dire. Et donc, Ligue 1, donc Strasbourg qui bat donc, le PSG 2-1. Donc, qui bat première fois donc, à la Méno. Donc, voilà. Belle ambiance à Strasbourg comme d'habitude. Des Strasbourgeois héroïques, franchement. Peut-être on va réagir sur les matchs après. Je finis juste les résultats. Monaco qui gagne 1-0 à Angers. Un Saint-Etienne, Nantes 1 partout. Lyon qui gagne dans le match de 17h, dimanche 17h, 2-1 à Caen. Et donc hier, je ne l'ai pas noté, mais bon, j'y étais. Beaucoup de les chroniqueurs l'ont vu. Montpellier qui a fait 1-1 contre Marseille dans le match du dimanche soir. Ce qui fait qu'au classement, le PSG est premier avec 41 points. Loin devant l'OL, Monaco et l'OM qui ont 32 points tous, donc qui se partagent cette deuxième place. Tu voulais réagir peut-être sur un match, Dimitri ? Non, je vous ai souligné la performance héroïque des Strasbourgeois qui ont eu quand même 9 minutes d'arrêt de jeu, ce qui est quand même hors du commun. Et apparemment c'était justifié, donc j'ai pas vu le match, donc je sais pas. Donc la victoire Strasbourg ? Non, les 9 minutes de temps additionnel. Une blessure du gardien qui a duré. Quelque chose d'intéressant à noter, c'est qu'entre la 8ème place et la 17ème place, il y a seulement 4 points d'écart. Donc vraiment, ça veut rien dire. Tu fais deux victoires d'affilée, tu repasses un peu en haut. Moi, après, sur la journée de dimanche, j'ai vu quelques matchs. Bon, le Saint-Étienne-Nantes qui était évidemment très ennuyant avec beaucoup de déchets techniques. C'est un arbitrage dimanche après-midi. Ouais, voilà, pour lutter la sieste. Quoi. Et au final, le meilleur match de ce dimanche, je crois que c'était le Caen Lyon qui avait un niveau technique plutôt correct avec deux équipes qui jouaient. Caen qui était pas loin de revenir dans ce match-là, qui ont fait un match héroïque et qui honore leur bonne place. Ils développent un jeu vraiment intéressant pour notre guillemets petit club. Ils ont réussi à bousculer Lyon, et puis le match du dimanche soir, honnêtement, aussi assez déçu. Montpellier, évidemment, on sera un petit peu plus satisfait parce que c'est une équipe qui a moins de budget que Marseille et théoriquement moins de bons joueurs, mais Marseille par contre c'était pas moi. On en parlera tout à l'heure étant donné que c'est dans le sport montpellier, forcément. J'ai noté quand même que Anthony vient nous voir à chaque fois après une contre-performance du Paris Saint-Germain. Je m'appelle le chat noir, donc je sais pas. On va voir Paris gagner. Enfin, genre en résumé, j'étais assez content cette saison de l'attitude du PSG qui respectait les autres équipes, qui continuait à essayer de mettre des buts. Ouais. Contrairement aux saisons précédentes. Et là, du coup, puisque malgré la victoire contre 3, le contenu était vraiment dégueulasse. Ouais. Et contre Strasbourg aussi. Donc très nonchalant, l'attitude des deux derniers matchs me déplaît fortement. Là. Très nonchalant. Enfin, en fait, même s'ils pensent au Bayern, je pense pas que ça soit la meilleure méthode pour préparer ce match. Ouais, après, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'en France qu'on pense en Champions League avant les autres. Les équipes jouent tous les matchs. Cependant, j'ai l'impression, quand même, dans les autres championnats, les gros clubs généralement perdent des matchs aussi. Ça arrive, c'est normal. Je pensais finir invaincu, bien sûr. Mais après, je suis pas un fervent défenseur d'Emery, mais qu'il fasse quelque chose ou pas, on le critique de toute façon. Là, faut juste qu'il arrête, même s'il faut montrer les joueurs avant de les vendre, de faire jouer des joueurs qui sont déjà partis dans leur tête. Je sais qu'il faut faire tourner. Faut cadrer. Di Maria et Pastore, c'est plus possible. Faut arrêter de leur faire plaisir et de les mettre titulaires. Surtout quand ils sont en un match juste avant, 3 jours avant contre 3, où ils sont pas bons déjà. Et où ils disent qu'ils veulent partir en interview. Comment il s'appelle le latéral qui vient qui est arrivé cette année? Ne veut pas être titulaire, alors qu'il a une place à prendre pour concurrencer Kurzawa, qui est le point faible de l'équipe déjà, mais apparemment il veut pas la prendre non plus. Donc, ce mec, il est pas ambitieux, le mec. Il l'a dit quand il est arrivé, il vient pour apprendre et pour être remplaçant. Oh là là là là, c'est quoi ce type? C'est terrible. Je veux pas être numéro 1, j'ai peur. Super. On va jouer en amateur alors. On va passer donc au tirage au sort de la Coupe du Monde. On va essayer, si vous le voulez bien, de parler de chaque groupe. En essayant d'être assez bref, malgré qu'on va parler un peu plus de l'équipe de France, je suppose. Naturellement. Le groupe A, c'est donc la Russie, l'Uruguay, l'Égypte et l'Arabie Saoudite. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est le groupe en bois. C'est un groupe, je dirais, assez homogène. Je pense que ça va ce genre que. Même si la Russie à domicile, on sait très bien qu'une équipe à domicile est galvanisée par son public. Et l'Égypte, attention, l'Égypte, forte nation du football africain qui revient sur la scène mondiale, et l'Uruguay, bien sûr. Et l'Uruguay, quand même, tu dis, c'est le petit favori. Du coup, ça sera quoi les conditions là-bas à l'époque de la Coupe du Monde là? Ça sera, non, ce sera juin, juillet, donc ouais, ça voilà, sera un peu bien, de correct. C'est vrai, ouais. On les fera tout comme ça, sud-américaine, ça ira. Les bonnes ouvertures quand même. Arabie Saoudite, Russie. Ouais, décevant quand même. Il est dur celui-là. Ouais, droit de l'Omico, c'est un peu dur. Très très dur comme match ouverture. Comme des tweetos ont dit, ça va se vendre des rafales à la mi-temps. Ouais, c'est possible. Entre la Russie, l'Arabie Saoudite et l'Egypte, c'est pas. Donc du coup, vous dites que qui passe, juste très rapidement. Allez, Russie, Uruguay, on va pas se mouiller. Moi, je vois bien l'Egypte quand même. Moi, je pense que la Russie sera plus solide. Wow. Russie-Uruguay, ouais, allez. Russie-Uruguay, ouais. Russie, toi. Russie-Égypte, allez. Russie-Égypte, comme moi, allez. On fait les 2-2, alors. Voilà. Groupe B, choc, puisque il y a le Portugal et l'Espagne qui se retrouvent dans le même groupe. Donc, c'est les voisins. Un Ibérico. Cependant, bon, des... Avec le Maroc, pas loin. Avec le Maroc. Ouais, ça va se battre pour Gibraltar, ça, c'est sûr. Ça va traverser la Et du coup, il y a l'Iran qui reste aussi également. L'Iran, gros favori de ce groupe. Est-ce que la logique sera respectée? Je pense oui. Oui, oui, Portugal-Espagne. Oui, le Maroc, c'est quand même moins fort qu'il y a. Plusieurs années, quoi. En 98, vous avez fait la Coupe du Monde, par exemple. Attention, attention, parce qu'il y a un homme, Hervé Renard, et c'est une équipe justement qui a moins de stars et qui a battu un meilleur collectif. D'autres nations africaines, donc attention. Après, bon, les Espagnols sont favoris. Je vois pas les Espagnols, Portugal, se planter. Portugal, quand même, depuis sa victoire à l'Euro, j'ai l'impression que c'est. Ouais, mais ils sont dans les gros events. C'est vraiment, vraiment une autre équipe, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus des points. Ça sera peut-être la dernière Coupe du Monde de Cristiano et tout. Je pense qu'il aura à cœur de. La première rencontre, ce sera Portugal-Espagne, c'est bien ça? Espagne-Portugal? Ouais. Je crois que ce sera le super match. Intéressant ça déjà. Bon, le groupe C, on en parlera après, vu que c'est celui de la France. Le groupe D, Argentine, Croatie, Islande et Nigeria. C'est le groupe de la mort pour moi. Très intéressant. C'est le groupe de la mort pour moi. Pour moi, c'est le groupe de la mort. Ouais. C'est vraiment très homogène parce que le Nigeria, pour moi, c'est la meilleure équipe africaine. Je suis d'accord. C'est une équipe qui va très souvent au moins en 8ème de finale de Coupe du Monde. L'Islande et la Croatie, bon, l'Islande toujours surprenant, ils sont qualifiés directement sans barrage. Ouais, ils vont être durs à battre aussi toujours. La Croatie très technique, hein, avec des joueurs comme Modric, etc. Sur le papier, là, c'est quand même solide. L'Argentine, moi je dis attention parce qu'ils ont vraiment eu des difficultés dans la zone âme sud. Ils sont qualifiés ils sont la dernière sur journée. Une bonne période là. Donc là, faut se méfier. En fait, si l'Islande confirme ses résultats des éliminatoires et du dernier Euro, il y a un des deux gros supposés qui peut passer à la trappe. Et on va suivre ce groupe parce qu'en 8ème, c'est l'adversaire potentiel de l'équipe de France. Ouais, exactement. Donc, un groupe intéressant dans tous les sens du terme. Doublement intéressant. Ouais. Le groupe E, Brésil, Suisse, Costa Rica pardon, et Serbie. Est-ce que ça va se jouer Brésil premier et la deuxième place entre la Suisse et la Serbie? Deuxième place entre tout le monde, ouais. Est-ce que Costa Rica va refaire un peu un bon mondial, le mondial 2014. Ouais, ils avaient fait quoi, quart ou huitième? Ils avaient fait au moins huitième. Ils avaient fait huitième. Ils avaient sorti l'Italie et l'Angleterre avec l'Uruguay là. Ouais, attention, à confirmer là. Mais Non, ouais, puis la Suisse était quand même 9 victoires en 10 matchs aux éliminatoires donc. Ils ont toujours du mal dans les phases finales. Après, les Sabres ont un peu plus peut-être de folie que les Suisses. Ouais, encore un peu plus de qualité. Un groupe homogène pour la deuxième place encore. Aussi, groupe F, Allemagne, Mexique, Suède et Corée du Sud. Pas si facile pour le c'est même. C'est un peu pareil là, ouais. On voit l'Allemagne premier, mais. Ben alors, c'est facile, mais après le deuxième. La Corée du Sud me paraît quand même inférieure. Après, Suède-Mexique. Suède-Mexique. Après, Mexique, quand même, je pense. Ouais, Mexique, c'est toujours des belles générations. La Suède, c'est toujours très difficile. C'est dur sur l'homme, mais bon. Ça après, va être au couteau. On l'a vu au barrage, ouais. On verra si Zlatan revient ou pas. Je préférerais le Mexique, moi, dans le style. Groupe G, Belgique, Angleterre, Tunisie et Panama. Est-ce qu'il y a un petit, entre guillemets, Tunisie ou Panama qui peut aller chercher. Ça, j'y crois pas du tout. Mais un beau choc pour du coup pour la première place. À voir place, si on a encore d'Angleterre qui s'écroule, mais ça m'étonnerait que. Ouais, peut-être. Belgique-Angleterre. J'ai l'impression que l'Angleterre là cette année, on les attendait toujours, tu vois, génération dorée, ouais, etc. Toujours. Et puis, peut-être là, que c'est la bonne cette année. Cette année, on les attend peut-être pas. Il serait temps. Hein. Et là, ouais, Belgique sur le papier, si on prend les joueurs un par un, c'est pareil, c'est enfin peut-être plus sur un euro, mais c'est quand même très fort. Donc elle est imbougeable l'équipe. C'est deux outsiders qui se rencontrent là. À l'euro, ils ont un peu déçu aussi, donc à voir. Et dernier groupe pour moi qui est le plus homogène, je trouve qu'on on a parlé un peu mal de ce groupe. Pourtant, il est bien, je trouve. Pologne, Colombie, Sénégal et Japon. Ah, celui-là. Intéressant et très homogène aussi. Pologne, Colombie, naturellement. Ouais, légèrement au-dessus. Mais c'est vrai que c'est un groupe qui est homogène. Mais le Sénégal, la Pologne c'est est très forte en éliminatoire. Enfin, puis le Japon, hein, voilà, Japon, Sénégal, ce groupe-là. Pour moi, c'est le groupe qui semble très, très, le plus homogène. Le plus homogène, mais peut-être pas le sud de la mort. Non, c'est sûr. Alors, j'ai lu aujourd'hui le groupe de la mort. C'est vrai, c'est le groupe I qui n'existe pas. Donc, avec Italie, États-Unis, Pays-Bas et Chili. Vous avez vu que d'ailleurs, par rapport aux statistiques de l'UE, enfin, de la FIFA, le groupe le plus dur serait celui de la France. Donc, ce qu'on va parler maintenant. Ah bon. Si. Oui, c'est le niveau du classement. J'en peux plus de ce classement. Les meilleures nations, exact. Et donc, le groupe de la France, France-Pérou, Danemark, Australie. Deschamps, faut. Juste une question. 9 sur 9 ou pas? Ça m'excite pas, ce groupe. 9 sur 9 ou pas? 9 points? Ouais. Ah, mais là, si tu fais pas 9 points, là. Non. Non, mais faut arrêter là. Pour moi, c'est un monde d'écart. Pourquoi ça, tu penses qu'on trébucherait sur quelle équipe? Bah, on voit le Danemark. Sur quelle peut-être équipe? Peut-être le Pérou qu'on connaît moins, qui a surpris quelques équipes en éliminatoire sud-américain. Ça reste faible quand même. Donc, méfiance avec les Péruviens. Et le Danemark. C'est quand même le groupe des barragistes. Oui, d'accord. Et le Danemark. On les a battus au match amical dernièrement, mais ils se sont refait une santé et je pense qu'ils n'ont dû pas oublier ce petit affaire. C'est vrai que je pense que le point faible, ce serait peut-être plutôt l'Australie qui est vraiment pas dedans en ce moment. Malgré qu'ils n'ont jamais été une grosse nation de foot, là j'ai l'impression que cette année c'est encore pire. Si on fait pas 9 points, il faudra se poser des questions. Alors qu'on s'annonce comme un des favoris presque de la compétition, il y en a qui s'enflamment à tout va comme quoi on a la meilleure équipe du mondial. Si tu fais pas 9 points dans un groupe comme ça, il y aura déjà des grosses critiques. Faut tout arrêter quoi. Enfin, pas 9 points, ça c'est sûr. Ah, pour moi, ça me paraît le minimum déjà quoi. J'ai une question générale sur ça. Qui serait selon vous, donc pas les favoris, mais peut-être. Peut-être une nation qui peut être surprise pour vous. Moi, j'ai une idée. Je pense que la Belgique pourrait faire quelque chose de très intéressant. C'est une semi-surprise quand même. On l'attend, outsider. Pas en semi-surprise quand même. Assumé. Après, sur moi, je vais te surprendre, je vais dire l'Allemagne. mais quand même, si on me dit Allemagne, France, moi Colombie, tu vois, je sentirais bien la Colombie. D'accord, la Colombie, c'est pas mal. Colombie, c'est un gros outsider comme la Belgique. Non. Moi, la Belgique. C'est pas eux qui ont été aussi loin en Coupe du Monde, la Belgique. Après, la Belgique, je te dis plus sur un Euro que sur une Coupe du Monde, peut-être. Ils seraient arrangés dans les. Ou comme tu dis, l'année de l'Angleterre, ça serait une surprise, ça, quand même. Ouais, moi. Mais j'y crois pas non plus. Et pourquoi pas croire à l'Islande? Non. Alors là, s'ils sortent de ce groupe, quand même, ça serait solide. Ça serait beau. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas peut-être le Nigeria, peut-être meilleure équipe d'Afrique comme tu dis. Ouais, mais non. Peut-être. Est-ce que ça sera la première fois qu'un pays africain ira en demi peut-être? En demi, ça me paraît compliqué. Je vais mettre une pièce sur la Croatie. Allez. Ah ouais, pourquoi pas. Ouais, j'ai hésité aussi. Mais attention, dans les phases finales, on l'a vu à l'Euro. Ouais, ils ont un peu déçu sur la travers. Il faut déjà qu'ils sortent du groupe. Croatie, bon, moi je vais mettre Belgique, même si vous trouvez que c'est un gros outsider. Pour vous Moi, du coup, l'Islande. L'Islande. Allez, je reste sur mon petit rocher. Moi, j'ai dit Colombie. Toi, t'as dit Colombie. Allez, je veux dire Pologne. Pologne aussi. Ils sont dans un bon groupe. Voilà. Bon que des équipes à 4 étoiles et demi. Bon, très bien. On va passer tout de suite au ballon ovale avec le rugby, avec les résultats du top 14. Il n'y avait plus l'équipe de France, mais il y avait toujours le top 14. Il est toujours là. Vas-y, je t'en prie. Ouais, du coup, déjà, premier, on va dire, gros match, c'était le Racing Club Toulonnais contre Lyon. Donc, ce qu'avec Boudjelal, le président toulonnais, avait qualifié comme le match le plus important de l'année. Mais ils l'ont emporté 39-11. Il n'y a pas eu photo. Superbe match de Bastaro avec un essai, et qui est vraiment transfiguré depuis qu'il est capitaine. Quatrième défaite d'affilée, quand même, pour le Loup. Dans le match de la peur entre Brive et Oyonnax, 33-30 pour Brive à domicile. Du coup, Brive qui sort de la zone rouge depuis le. Brive qui va mieux dernièrement. Qui va mieux et qui sort de la zone rouge de la première fois depuis le 2 septembre. Pau dans son nouveau stade tout neuf, rénové, qui a gagné 27-17 contre Bordeaux-Bègles. Et à noter aussi la superbe victoire du Castres Olympique, 41-31. Et c'est une défaite historique pour Toulouse, puisque c'est la dernière victoire du Castres Olympique à Toulouse, ça remontait à 1978. Puis avec beaucoup de points d'ailleurs. Ouais, c'est ça, et avec beaucoup de points. Et là par contre, il faut remonter 50 ans en arrière pour voir Toulouse se prendre autant de points à domicile. Ça aurait pu être une question du quiz, mais ça l'est pas. Franchement, je suis vraiment épaté par les performances du Castres Olympique, parce que j'ai compris, c'est leur 5e victoire consécutive. C'est ça, exactement. C'est une sacrée série. Non, puis Urios qui prouve que c'est un vrai meneur d'homme. Il met pas que des gifles à d'autres entraîneurs, il met aussi des gifles à ses joueurs et ça marche bien. C'est mieux. Ok, très bien. Bah, peut-être qu'on. J'ai encore Clermont qui a gagné contre Agen 35-26. Et dans le derby francilien, Stade français Racing, c'est le Stade français qui s'impose à domicile 27-17. Donc là aussi, une fin de série pour le Racing 92 qui restait sur 4 victoires d'affilée. Au niveau du classement, d'ailleurs. Ouais, au niveau du classement, bah, du coup, c'est là. On en parlera tout à l'heure, mais c'est La Rochelle qui a pris la première place à Montpellier. Troisième, le Loup. Quatrième, le Racing 92. Cinquième, le CO. Et dans, en fin de classement, donc Brive, comme tu l'as dit, qui sort de la zone de relégation. Treizième, Agen. Et dernier, Oyonnax, qui a quelques points de retard maintenant. Très bien, c'est complet comme ça. Ouais, Oyonnax qui joue à 11 points, donc 3 points de retard sur Agen et 4 sur. C'est sur pas Brive, dramatique, mais il faut pas que la série continue. Au niveau du handball, Lidl Star League, le PSG qui gagne 25 à 23 contre Tremblay. Nantes qui gagne Nîmes. Nîmes qui on arrête la fin de série pour Nîmes, qui gagne 33 donc à 25 Nantes. Chambéry qui continue sa belle remontée, 29 à 23 contre Ivry, et Saint-Raphaël qui gagne 32 à 28 contre Aix-en-Provence. Au classement, Montpellier toujours premier avec 21 points, 3 points devant Nîmes donc qui s'est incliné, ainsi que le PSG donc qui a 18 points également. Au niveau de la Champions League, Zagreb qui gagne 30 à 26 contre Neckar, Flensburg qui perd contre Kiel 30 à 33, Szeged qui perd contre Plock, là c'est une surprise encore, 24 à 25, le Vardar qui met une tollée à Kristianstad 31 à 15, le Veszprém qui gagne 31 à 26 contre Kielce, Paris qui gagne de 3 points 31 à 28 contre Aalborg, et Nantes qui fait la grosse performance de ce week-end en handball qui gagne 29 à 25 contre Barcelone. Oh oui, super. Ouh, énorme. Devant 11 000 personnes, donc belle fête pour les Nantais. Est-ce que là je ne sais pas s'il y a des spécialistes handball ce soir avec nous, mais est-ce que ce ne serait pas l'année du PSG cette année, sachant que les favoris, tous les favoris, là je viens de vous le dire, perdent de nombreux matchs. En fait, il n'y a que le Vardar qui est tenant du titre cette année. On l'annonce depuis 2-3 saisons. Là, en poule, pour l'instant, ils ont des équipes fortes dans leur poule, ils sont devant, mais il faut voir, Final Four. Parce que les grosses équipes, comme je te dis, il n'y a que le Vardar qui est tenant du titre, qui assume son statut, parce que les autres, Neckar, Flensburg, Kiel, Szeged, Veszprém et Kielce, sont vraiment dans le dur. Même Barcelone est un peu moins bien. Mais pour moi, c'est comme en foot. C'est dur de pronostiquer en Ligue des Champions au mois de novembre. Ouais. Est-ce que les mêmes équipes seront en forme et avec toute leur force en présence dans l'effectif au mois de mai pour le Final Four à Cologne? Ouais. Voilà, on sait pas. On verra par la suite. Mais pour l'instant, Vardar et Paris qui impressionnent dans les poules hautes de Champions League. D'ailleurs, au classement, Vardar est seul en tête devant Nantes qui prend donc l'avance avec 3 points devant Barcelone qui est 3ème. Et dans le groupe B, le PSG seul en tête également, 4 points devant Flensburg et 5 points devant Veszprém. Il y a du handball féminin aussi, puisque c'est le début de la Coupe du Monde féminine qui a eu lieu cette semaine. L'équipe de France est dans le groupe A, elle s'est malheureusement inclinée pour son premier match 24 à 23 contre la Slovénie. Mais elles se sont reprises donc dans le deuxième match 26 à 19 contre l'Angola. Elles sont pour l'instant 3e sur 6 et il faut être dans les 4 premiers pour passer. Bon, donc on verra les prochains matchs dans l'Ajada en fin d'émission. Au niveau du basket, Guillaume, peut-être quelques résultats NBA. Yes, le duel des outsiders entre guillemets, Thunder qui a gagné les Timberwolves 111-107. J'ai aussi un choc intéressant entre le Celtics et Détroit. C'est Détroit qui l'a emporté de 10 points d'avance, donc quand même petite surprise, même si Détroit fait un bon début de saison. Et Thunder qui a confirmé cette bonne semaine en gagnant hier contre les Spurs 90-87. J'ai aussi de la boxe si tu veux. Ouais, vas-y, fais-le de suite. Le local et international. Donc international, la défaite malheureusement de Miguel Cotto pour son dernier combat face à Saddam Ali. Ouais, donc ouais, c'était un signal de la fin peut-être. On a vu que sa boxe habituellement très offensive et agressive a un petit peu perdu de sa vitesse et de sa splendeur face à un boxeur un peu plus jeune et donc un peu plus agile. Donc voilà, encore une fois un petit pincement au cœur pour tout le monde de la boxe qui perd, enfin qui voit la retraite d'un des meilleurs boxeurs des dernières années. Après, on avait la réunion à Montpellier, Albert Batteux, qui s'est plutôt bien déroulé avec la présence de Monsieur Sorel. Les championnats régionaux, donc je vous fais ceux, les locaux en tout cas. La victoire d'Alexandre Cabane et de Matas en amateur. Et il y avait deux combats pro. Le match nul de Shaïn Naga et la victoire de Jérémy Hugues après 3 ans d'absence en pro. Donc techniquement, on devrait avoir un boxeur la semaine prochaine. C'est ça, normalement on aura Shaïn Naga qui combattait pour son 10e combat en pro, qui sera là lundi prochain. Très bien. On va passer au ski, puisque c'est quand même là on commence à être dans le dur, dans le vif du sujet au niveau du ski. Chez les hommes, il y a eu la victoire de l'Autrichien Vincent, je sais pas comment on dit vu que c'est l'autre. Ouais, du coup, Autrichien, ça doit être Vincent, je suppose. Ouais, Vincent. Chris Meyer sur le Super G de Beaver Creek, donc aux États-Unis, les Français. Malheureux sur Super G, j'ai du mal sur ce coup-là. Adrien Théo et Alexis Pinturo sont malheureusement 4e et 5e, juste dans le podium. Ouais, mais bon, c'est quand même de bon augure. Ils ont fait une pour la course. Suite. Ouais. En descente, victoire du Norvégien Axel Lundsvindal, Adrien Théo et Johan Claret, 8e et 9e. En slalom géant, Marcel Hirscher s'impose toujours donc à Beaver Creek aux USA. Pinturo, le premier français, est 12e. Ce qui fait qu'au classement général, messieurs, pour l'instant dominé par les Norvégiens, et les Autrichiens, malgré le fait que, alors là je sais plus comment on le prononce, c'est le Suisse, Beatfuz. Ouais, Beatfuz. Beatfuz. Ouais, Beatfuz. Parce que tu m'avais repris la fois dernière, donc je ne me rappelais plus. Lui aussi, il s'en souvient pas. Qui est 3e, sinon ouais, après c'est généralement Autrichien, Norvégien, c'est Jansrud et Svindal aux deux premières places. Les premiers français, c'est Adrien Théo, 9e, et Pinturo, quant à lui, est 17e. Ouais, Pinturo qui a fait une contre-performance sur le slalom que Hirscher remporte. Que Hirscher a gagné. Mais Hirscher, voilà, bah, c'est le maître en slalom avec Jansrud, et ils vont se battre, je pense, tous les deux pour le globe. Mais bon, on sait que l'important en cette année olympique, c'est les JO. Ouais. Il n'y a que ça qui comptera. Ouais, c'est vrai. Au niveau des femmes, il y avait deux descentes à Lake Louise au Canada, dominées donc vendredi par Cornelia Hutter et samedi par Michaela Schifrin. Quant au Super G de dimanche, c'est la Liechtensteinoise. Ouais, Liechtensteinoise. C'est dur celui-là. Tina Weirather. Weirather, merci. T'as vu, regarde. T'as vu, c'est incroyable. Hein. Tous les noms, ils les connaissent. Qui s'impose Tessa Worley si le Super G échoue à la porte du podium, elle également à la 4e place. Ouais. Mais Tessa Worley est quand même en meilleure forme que Pinturo et je pense qu'elle va nous faire une belle saison. D'ailleurs, au classement général, ultra dominé par l'américaine Michaela Schifrin, je pense qu'elle est intouchable. Ouais, c'est la Hirscher du côté masculin. Devant l'allemande Rebensburg et Weirather. Weirather, ouais. Tessa Worley est 6e pour l'instant. Voilà. Ouais. Au niveau du biathlon, chez les hommes, victoire de Tarjei sur le 10 km devant Martin Fourcade, 2e. Victoire de Martin Fourcade sur le 12,5 km poursuite devant Fak, le Slovène, et Quentin Fillon-Maillet, l'autre Français qui est 3e. Victoire de Johannes Beu sur, donc pas le même Beu, donc c'est le frère. C'est son frère. C'est le frère, donc sur le 20 km devant encore Quentin Fillon-Maillet, ouais, qui est 2e, et Martin Fourcade qui est 3e. Ce qui fait qu'au classement général, c'est les deux Français qui sont aux premières places, ouais, avec Fourcade 1er et Quentin Fillon-Maillet 2e devant Johannes Beu qui est 3e. Ouais, c'est Martin Fourcade qui a repris le dossard qu'il a conservé pendant, il me semble, très longtemps. L'année dernière. Et non, superbe course, et il s'est fait coiffé au poteau sur le sprint où personne n'attendait Tarjei Beu, l'ancien, donc le grand frère, gagner. Du coup, il s'est rattrapé sur la poursuite. Il a fait une très belle poursuite. Et Quentin Fillon-Maillet. Et belle performance de Quentin Fillon-Maillet ce week-end a été énorme pour lui. Deuxième du classement général, donc c'est ouais, non, c'est de bonne augure. On a avec Jean-Guillaume Béatrix qui est pas trop mal aussi, même s'il a un peu de mal. C'est bon augure pour les JO, quoi. Ouais, on peut avoir un très bon relais aux JO. Au niveau des femmes, victoire de Denise Herrmann au 10 km poursuite devant la Française Justine Brezage. Victoire de Skadirno, la Biélorusse, au 15 km. Justine est 8e sur cette course-là. Et donc encore victoire de Herrmann au 7,5 km devant encore. Donc Justine qui est 2e malheureusement. Au classement général, cependant, c'est la Française qui est première. Ouais, et puis c'est celle qu'on attendait pas. Devant l'Allemande et Skadirno. On attendait plus Marie-Dorin Haber qui s'écroule totalement en ce début de saison, qui est assez inquiétante. Et ouais, c'est la bonne surprise, Justine Breza qui finalement on disait que c'était un peu l'arbre qui cachait la forêt, Marie-Dorin Haber. Finalement, il y a aussi de la relève avec Justine. Du coup, quand même au classement chez les hommes ou chez les femmes, les Français sont au top pour l'instant. Au niveau du mixte, là c'est un petit point négatif. La France finit 7e en mixte en 4 personnes, donc 2 hommes, 2 femmes. Et le duo donc Dorin Haber-Fourcade, lui, finit 4e. Ouais. Voilà. Donc un peu une petite déception sur ce coup-là. Dernier sport, sauf si vous en avez à rajouter, j'ai un peu de voile sur ce coup-là. Allez. Tour du monde, le navigateur français François Gabart, donc pour le massif, a signé une nouvelle performance dimanche en atteignant le cap Horn en 29 jours et 3 heures, soit de plus de 2 jours d'avance sur le record du monde à la voile en solitaire. Pour réussir donc son challenge, le marin de 34 ans doit désormais remonter l'Atlantique en moins de 20 jours. Il doit passer la ligne au large de Brest avant le 23 décembre à 10... Oula, j'ai du mal, décidément. À midi 09, heure locale. Voilà. Ah, juste avant de l'orage. Donc, pour la voile, c'est fait. J'ai quand même parlé de voile. C'est beau, c'est beau. C'est beau. Pour c'est les voileux. Quelle mixité. On va passer, pas la première pause musicale, ça sera tout à l'heure, mais tout de suite au Sport Montpellierain, jingle. Sport and Chill, le sport montpelliérain. Parfaite transition avec la natation parce que c'était mi-montpelliérain, mi-national, on va dire ça comme ça. Il y avait les championnats de France donc de petits bassins cette semaine à Montpellier. Donc je sais pas si ouais, vous en avez j'étais, entendu, mais j'étais c'est accrédité pour ça. Ah, donc, joli monsieur, attention. Ouais. Ouais. Classe. Mais belle, malheureusement, c'était un peu passé sous silence. Ça quand a même. Été complètement passé sous silence et même au niveau des médias, mmh. Voilà, c'était il y avait pas grand monde. Pourtant, c'est dommage. Pourtant, il y avait du monde. Pourtant, voilà, c'était du une bon bonne préparation parce que dans deux semaines, c'est les championnats d'Europe à Budapest. Ouais. Donc on avait quand même, on a vu du beau monde, Charlotte Bonnet, Jerry Stravius. Je pense que tu vas un peu en parler. Ouais, plutôt beau résultat pour les Montpelliérains, car Montpellier, un club de natation, c'est le 3 MUC. Il y en a même deux, ouais. Il y a, avec le SPTT, et ouais. SPTT. Ouais, voilà. Et donc, mais le 3 MUC a fini deuxième des clubs élites français de ces championnats. Donc, je suppose que c'est derrière Nice, si je ne me trompe pas. Marseille. Ouais, Marseille qui est le PSG. C'est soit l'un, soit l'autre. Hein. On retiendra donc la belle performance donc, du club Montpellier, mais aussi avec les gros championnats donc, de Jérémy Stravius chez les hommes, qui a quand même bien gagné beaucoup de choses. Et puis Charlotte Bonnet chez les femmes. Ouais, alors sur les hommes, j'ai quand même un gros bémol. C'est voilà, donc il y a Jérémy Stravius, mais qui est quand même plus sur sa fin de carrière que son début de carrière. Et donc derrière, on a Jordan Potin qui fait des choses pas mal, notamment en nage libre. Derrière, c'est quand même, assez vite. Le niveau est un peu une vague de couilles. Les Aniel ne sont plus là. On ne sent pas encore la relève. Ah ouais, il y a un manque de densité au niveau de la natation française masculine. Derrière Stravius et Potin, qui est quand même assez effrayant. Surtout que Medim était là, était blessé. Ah, il était blessé. Ouais, c'est ça. Donc, ouais. Quand on passe à 5 ou 6 ans, voilà, c'était la natation, c'était un des sports olympiques qui nous rapportait le plus de médailles aux JO. Là, ça... On se pose un peu des questions peut-être. Ouais, on se pose des questions, surtout qu'il y a quelques tensions au niveau de la fédération. Donc, Ah, ils sont toujours pas passés ces tensions. Non, non, je ne sais même pas s'il y a encore un DTN qui a c'est été dommage. Nommé. Faudrait que... Peut-être quelques résultats, notamment pour les Montpelliérains. 800 mètres, c'est Aubry qui gagne en 7 minutes 38 secondes, devant Joly, un autre de Montpellier. Stravius qui gagne quand même le 100 mètres d'eau, 100 mètres 4 nages, 50 mètres notamment. Ouais. Après, je pourrais dire 200 mètres brasse, Dankos de Marseille qui gagne, devant Desplanche et Capitaine, pas mal comme nom. Ouais. Chez les femmes, c'est Charlotte Bonnet qui fait un record national. Ouais. Record des championnats de France, ouais. Qui est pas un record de France. C'est d'accord. Un... Mais ouais, c'est quand même. Dans la Montpellierenne, Marie Wattel. C'est ça. Exactement, et très très très belle, très très beau championnat pardon de Charlotte Bonnet qui prouve que c'est la leader clairement de l'équipe de France, je dirais même. C'est celle qui est la plus performante en nage libre. Derrière, on a quand même Fantine Le Saffre qui a fait Au 400 mètres 4 nages. Exactement, qui a fait de belles performances. Et à noter aussi les belles perfs, elle est pas française, mais elle est entraînée par Philippe Lucas à Montpellier. Ouais. C'est Sharon Van Rovendal qui a fait des bonnes perfs en 800, il me semble, et en 1500. Et je voudrais savoir, Aurélie Muller, elle était présente Aurélie Muller, il me semble l'avoir vue sur une compétition, ouais. Sur une je distance. Je peux pas dire, j'ai pas trouvé le résultat. À confirmer. Moi, je peux juste te rajouter que Bonnet aussi a gagné en 200 mètres. Que Marie Wattel a fait aussi encore une deuxième place sur le 50 mètres papillon derrière Enik de Marseille. Ouais, il a mis Enik. Et en 100 mètres brasse, donc là c'est l'autre club de Montpellier, la SPTT Montpellier, avec Deberg. Qui se classe première donc en 1-0-6. Ouais, belle devant Domba et Mallet. Voilà. Quelques résultats. C'est une très belle course d'ailleurs. Je me rappelle de ça, c'était super. Donc voilà, est-ce que c'était pas mal hein, c'était sympa, ouais. Il y avait une bonne atmosphère. Il y avait des personnalités quand même. On avait Alain Vernard, son entraîneur, Denis Auguin. Mm. On avait Philippe Lucas, forcément. Il y a le maire qui le est maire venu, est passé avec quelques élus. Il y a eu du monde, notamment samedi. Il y avait beaucoup de monde dans les gradins. C'est dommage, un peu de sous-médiatisation, du coup. Ouais, ça montre aussi que. Bon, c'était le petit bassin, donc il est forcément moins médiatisé que le grand bassin. Mais ça montre aussi que la natation est en perte de vitesse liée à son manque de densité au niveau de, des hommes et voire des femmes. C'est et à son manque ouais, aussi de ses problèmes internes d'organisation. Sur le bilan JO, il était moins bon que d'habitude, il c'est ça. Il était vraiment pas ouais. terrible. Mmh. On a ça a dû jouer aussi. Ouais. Une natation qui nous rapportait au moins 6-7 médailles. Ouais, ouais. Là, il me semble qu'on était à 2 ou 3, non ? 2 ou 3, ouais. C'est ça. Ouais. Donc, ah, ça y joue, hein, la vidéo, c'est le tremplin, quoi. C'est le trou générationnel. Mmh. On a des jeunes qui montent quand même pas mal, donc. Ok, il y a l'optimiste encore. Voilà. Bon, très bien. On va passer tout de suite au football parce que je pense qu'on va, on va devoir en dire au niveau du football. Je vais pas commencer avant avec les filles qui ont gagné donc 5-1 à Soyo. Victoire. Soyo, c'est en France. Soyo, ouais, c'est en oui, c'est au Japon. C'est pas Sochaux, c'est Soyo. D'accord. Victoire donc assez facile, on pourrait le dire, mais au final, à la 82e minute, il y avait toujours un partout entre les, ah, les oui. deux. Ah, suspense. Et donc, grâce à un but de Stinia Blackstenius pour Montpellier et Babinga donc pour Soyo. Puis après, c'est la débandade, donc but de Léger à la 82e, Torresilla à la 89e, Gauvin à la 91e, Blackstenius, dernière marqueuse. Ça finit en craquage mental. Ouais. Gros closing. Gros craquage à la fin. 80 minutes, quoi. Ouais. Donc 10 minutes où ils ont pris 4 buts. Voilà. Au classement, ouais. Montpellier n'est pas largué, loin de là, mais compte quand même tout de même 4 points de retard sur le PSG qui est 2e et 6 points sur l'Olympique Lyonnais. Donc évidemment, les filles sont premières de l'Olympique Lyonnais. Le Paris FC qui est 4e est loin derrière, donc avec 8 points de retard sur Montpellier. Donc voilà. Ça. On montre bien qu'on est la troisième force de ce championnat, je pense. Ouais. Donc prochain match et dernière de l'année à domicile. Donc pour les filles, c'est samedi 9 décembre 14h contre le LOSC. Voilà, ça sera ce samedi-là. Qu'est-ce que ça vaut le LOSC ? Mieux que les hommes ou... Non, c'est assez nouveau encore. Hein, ouais, bon, ouais, c'est filles, pas ouais. D'ailleurs, je ne serais pas étonné, je crois que c'est la montée, je crois, pour, ouais. pour elle cette année. Bon, c'est le même classement cette année, quoi. Oui, ouais. Voilà, donc c'est pareil en fait. Même niveau. Non, mais ça va un peu mieux pour le LOSC que chez les hommes, ça va un peu mieux. Ouais, ça va pas monter bien. Sans un fou aux commandes, bien sûr. On va passer donc chez les hommes, et là ça va être faire un peu plus coïncident peut-être. Ouais. Montpellier qui fait 1-1 contre l'OM, donc un but de Giovanni Sio à la première mi-temps. Et magnifique. De... Une belle pirouette ratée aussi. Superbe. Ouais. Il se blesse derrière. Et l'égalisation de Thauvin donc, sur penalty à la 45e si je me trompe. Et donc voilà, si vous voulez réagir, je voulais réagir, mais je vous laisse un peu la parole sur ce match. Que dire, un bon résultat encore de Montpellier quand même contre une équipe bien classée au classement. Ouais. Comme depuis le début de saison, un gros quand même. Franchement, si, j'ai changé, ça devait être mon coup de cœur aujourd'hui, mais on va déjà en parler pas mal maintenant. Donc, le MHSC a essayé de jouer quand même, ils sont pas restés derrière. Bon, en deuxième mi-temps, c'était beaucoup plus compliqué, mais ils ont pu laisser la balle à Marseille. Mais voilà, avec une équipe quand même aux moyens limités, du coup, non, quand même, une rencontre intéressante pour Montpellier quoi. Ok, tu voulais peut-être Guillaume, tu voulais peut-être réagir sur ce match. Bah, assez d'accord avec mon compatriote. Oui, Montpellier habituellement contre les gros joue plutôt défensif. Et puis bon, des Zakarian, ça reste un entraîneur globalement ouais, défensif. Je suis pas fan de cet entraîneur à la base. Non, mais je t'avoue que bon, c'était un match du dimanche soir assez moyen, mais quand même Montpellier a été la bonne note du soir. Évidemment, c'est un club qui a eu un gros moment de doute et qui a perdu son grand patron, qui retrouve un peu des beaux jours avec un recrutement qui était un petit peu plus cohérent, des bonnes petites trouvailles, et puis ça commence à prendre et ça commence à être solide et à marquer même de plus en plus de buts. Donc voilà, contre les gros, ils ont montré qu'ils pouvaient être solides. Là, ils ont un scénario un petit peu compliqué vu qu'ils ont quelques petites occasions pour prendre l'avantage, et forcément, quand tu as des décisions aussi douteuses. Ouais. C'est un petit peu frustrant, mais bon voilà, le point négatif, ça reste quand même, outre l'arbitrage, ça reste quand même la performance de Marseille que j'ai pas l'occasion de beaucoup voir. J'ai pas l'impression qu'en termes de jeu, il y a une vraie avancée, une vraie patte Garcia, à part avoir une équipe maintenant qui est un petit peu plus performante parce qu'il y a un budget qui s'est augmenté et qu'il y a des gros joueurs qui ont pu rejoindre le club. Mais après, en termes d'empreinte de jeu, hier, j'ai non, vu pas encore. Grand chose. Quoi. Enfin, là, comme ils ont dit après le match, pour l'instant, ils privilégient les points. Pour l'instant, ils cherchent mais il serait quand même temps, ils ont eu un petit peu de temps maintenant. Faudrait quand même voir quelques petites esquisses de vers quoi va se profiler Garcia et l'OM quoi. Mais là vraiment en termes de jeu je vois pas grand chose quoi. C'est quand tu te dis que c'était le deuxième de notre Ligue 1, tu dis qu'encore il y a du boulot en Ligue 1 pour... Je pense qu'il y a toujours pas le buteur en fait, entre Germain et Mitroglou, il y a toujours... on connaît deux qui a montré sa patte, Et on pense peut-être qu'au Mercato, il y aura la venue d'un attaquant supplémentaire. Oui, c'est sûr, ça va encore être chamboulé, mais il y aura un petit temps d'adaptation encore. Mais quel mauvais choix encore. Enfin, on va en parler, hein. Il y a eu des bons choix dans le recrutement. C'est par défaut, les premiers choix, on dit non, apparemment. Ça soit Germain que tu finis sur le banc, tu mets 14 ballons touchés hier. 14 ballons touchés, tu as mis trop, tu vas chercher dans les dernières minutes et qui. Parce que les 10 noms d'avant qui voulaient, on dit non, quoi. Donc, ouais, bon, après, il faut l'anticiper quand même, quoi. Tu dois trouver quelqu'un plus intéressant, ambitieux, qui pourra adhérer à la stratégie de l'OM, quoi. Là, j'ai l'impression que les mecs, ils les ont choisis par défaut, quoi. Ouais, enfin, alors après, pour revenir sur le match, Montpellier, c'est clairement. Enfin, a clairement eu des décisions arbitrales complètement dans sa défaveur. Enfin, quand on voit que M. Schneider siffle un penalty sur apparemment une main qui change sa décision, ouais, il change son avis, je pense, après vidéo où il dit que c'est Mukiele qui a fait tomber. C'est pas cohérent. Ça, est-ce qu'on saura pourquoi c'est pas cohérent. Bah, il le dira jamais. On saura jamais. Et il le ça dira saurait jamais si les arbitres étaient honnêtes. Je crois que cet arbitre a tout simplement voulu être la star du match. Quoi. Oui, enfin, il a voulu se mettre en lumière. Quoi, mais bon, la star, c'était plutôt Mandanda qui est venu lui parler, lui changer la décision d'arbitrage. Ouais, sur l'arbitre de surface. Pour avoir les épaules après. Est-ce qu'il y a hors-jeu ou pas de position de Hilton? Pour moi, clairement, oui. Voilà. Est-ce qu'il dérange vraiment l'action? Je sais pas. Franchement, c'est à chaud. Même si ça change pas, le ballon serait sûrement rentré. Mandanda plonge avant. C'est litigieux. À chaud, on est vent debout là-dessus parce qu'on est dans l'ambiance du match, etc. En revoyant les images, ça peut se discuter. C'est vraiment débat. Ce qui est frustrant, c'est que tu vois que l'arbitre change de décision au moment où Mandanda. Après, pour résumer, on dit que quand un arbitre fait un bon match, c'est quand on n'en parle pas. Et clairement, on en parle trop sur des faits. Exactement. Importants. Voilà. Dimitri, et puis deux dans le mauvais sens, ça pose la question de l'introduction de la vidéo. Ouais. Que Nicolas a demandé. Voilà, après, est-ce qu'ils interpréteront bien la vidéo? J'ai l'impression que ces arbitres sont tellement c'est pas le ballon. Cette limite, c'est-à-dire que là, on est en train de discuter le sur débat le. Est pas on n'est pas d'accord non plus sur la vidéo. Ouais. Donc, déjà nous. Mais... Et on a vu la vidéo ce week-end encore pour Bayern Hanovre, qui est scandaleuse, qui sert à rien. Faut juste des arbitres. Bon, Barça Celta Vigo, là, c'est. Engel Light et Barça Celta Vigo, non, là, c'est un problème de vue. Là, c'est même des petits bugs encore. On enchaîne. On en parlera tout à l'heure déjà. On parle trop de foot. Là, sur ce coup-là. Ouais, moi aussi j'en ai marre. Au classement, le PSG premier, Lyon deuxième, Monaco troisième, ainsi que donc l'OM qui partage cette place de deuxième. Montpellier est donc huitième avec 22 points. Si je ne me trompe pas, ouais, 22 points. C'est ça. Prochain match, ça sera à Angers, donc ce samedi soir. Voilà. La saison pour l'instant est plus belle que prévu. Voilà. On l'attendait peut-être un peu plus difficile. Il y a un coup à faire à Angers qui est vraiment en difficulté, qui est relégable. Ouais. Surtout à domicile d'ailleurs, je crois. Hein. On passe au rugby tout de suite avec la défaite de Montpellier donc à La Rochelle. Bon, c'était un peu prévisible. Hein, tout ouais, à Marcel Desflandres où je le rappelle, La Rochelle a tourné à 41 points de moyenne. Donc au moment de défaite 26-14 pour la MHR, deuxième défaite d'affilée. Bon alors autant il n'y avait rien eu à dire sur le match du Racing, on n'avait pas existé, donc c'était clair. Là, il y a eu trop de fautes en première période, on a eu 10 pénalités en première mi-temps contre La Rochelle, ça peut pas passer, c'est pas possible. Le problème c'est que les défaites, on prend pas de points, même le point de bonus défensif c'est rare. Ouais, exactement, du coup à la mi-temps on tourne à 19-3, on fait une bien meilleure deuxième mi-temps. Après on a subi un peu la loi de La Rochelle avec Alexis Balès qui fait un 6-6. Et James qui nous fait un double crochet magnifique qui tue les espoirs du coup de bonus défensifs qui auraient peut-être pas été mérités. Bon, La Rochelle reste intraitable à deux Flandres. Et le Cher qui va devoir se reprendre très très rapidement. D'ailleurs, La Rochelle qui prend la première place, on l'a dit tout à l'heure, c'est ça. À Montpellier. Deux points devant Montpellier. Prochain match, donc ça sera la Coupe d'Europe, Montpellier qui ira à Glasgow, ça sera vendredi soir. Ouais, mais pourquoi pas Montpellier qui n'a plus rien joué en Coupe d'Europe, mais ça serait bien de renouer un peu avec la victoire. Ouais, parce que faire tourner et laisser tomber le match, voilà, comme je disais, c'est peut-être pas le meilleur moyen de préparer le match suivant en top 14 non plus. Se prendre une rouste à domicile, ça fait jamais plaisir. Donc. Chez les filles, donc chez les coccinelles, pas de match week-end. Prochain match, ça sera contre Lille. Ça sera le choc du top 8. Chez les féminines, ça sera dimanche à 13h dans le Nord. Ensuite, au niveau du handball, Leader Star League, Montpellier qui fait la grosse performance, qui va gagner à Dunkerque 24 à 23. Dunkerque qui était un match compliqué, sachant qu'ils sont toujours bien classés tout de même. Dunkerque était 4e, je crois, avant ce match. Et donc Montpellier qui garde quand même ses 3 points d'avance sur le Paris Saint-Germain et qui va pouvoir venir. Sachant que Montpellier va quand même fait 3 déplacements, je crois, si je ne me trompe pas, à Ivry en championnat, à Grenoble en Coupe de France et à. Le dernier, c'est à Toulouse en Coupe de la Ligue. Belle victoire montpellier, surtout avec des absences de Fabregas et de Richardson, donc il a fait un peu tourner également. Champions League, là, il a fait beaucoup tourner. Il y a eu une défaite pour Montpellier, mais une défaite sans conséquence, 31 à 30 contre le Motor Zaporozhye, le club ukrainien. Mais donc, ce qui fait que Montpellier reste quand même toujours premier du groupe D. Le Motor Zaporozhye finit deuxième et affrontera Ashkern. Donc pour les barrages, pour Montpellier, ça sera Ademar León, le club espagnol en barrage. Ademar qui passe à la confrontation directe d'ailleurs, puisqu'ils avaient le même nombre de points que Gorenje, donc les Slovènes. Le même goal average, donc ce qui est assez rare, et quasiment le même nombre de buts encaissés, ainsi que le même nombre de buts marqués. C'est-à-dire que Gorenje avait 271 buts encaissés et marqués, donc les Ademar León avec 270, donc un but d'écart. Ah ouais, ça c'est. Allez, les Slovènes là. Voilà, les barrages se joueront en février, donc 21 et 28, donc ça ne sera pas tout de suite. Au niveau du volley, contre-performance du volley à Ajaccio, malheureusement, avec la défaite 3-7 à 1, Montpellier redescend au classement à la 6ème place. Un peu décevant par rapport à l'année dernière, tout de même, Montpellier qui était quand même un peu plus haut. Tandis qu'Ajaccio donc, remonte de 2 places à la 7ème place, donc tout juste derrière Montpellier. Prochain match ce samedi, donc 9 décembre, pour le compte de la 9ème journée de Ligue A. Montpellier se déplacera à Paris. Au niveau du basket féminin, donc BLMA, Euroleague, le BLMA donc défait lors de cette 6ème journée d'Euroleague Women. Bien embarqué donc en première période, les Gazelles se sont finalement inclinées donc 85 à 67 face aux Polonaises de Wisla, donc Cracovie. Malheureusement, donc le BLMA plonge au classement européen avec une 7ème place sur 8. Elle se déplace en plus, malheureusement, à Ekaterinbourg, donc en Russie, qui n'est pas un club, si vous avez compris. Oui, assez, Cependant, satisfaction au championnat, puisqu'elles ont été gagnées 82 à 56 à Nice. Donc elles ne sont pas lâchées, donc les Gazelles au classement avec une 5ème place dans un championnat quand même assez homogène. Prochain match à Villeneuve-d'Ascq ce samedi pour le compte de la 9ème journée de LFB. On aura l'occasion quand même de parler basket féminin tout de suite, donc bientôt dans moins de 20 minutes. Au niveau du futsal, score qui fait mal pour Montpellier Futsal avec 3 défaites, 3 victoires d'affilée, on en parlait, mais là ça prend fin ce week-end avec une défaite de justesse contre le Sporting Paris 5 à 4. Ah, il y a certaines des Paris. Défaite d'autant plus compliquée que les premiers non relégables ont gagné et se mettent donc à 8 points d'avance pour Montpellier, donc c'est compliqué. Ou c'est compliqué là. Oui. Défaite également donc des Vipers, donc du hockey. Donc durant 35 minutes, les Vipers ont plutôt maîtrisé le match contre des Spartiates, donc c'était leur adversaire infatigable. Et donc après tout a dégringolé, on va dire. Après avoir mené 2-1 à la fin de la première période, les Vipers se sont inclinés sur le lourd score de 8 à 2. Oula. Ouais, saison compliquée hein, pour les Vipers. Et les Spartiates, ils viennent d'où? C'est Marseille, je crois. Ouais, c'est ça. Marseille. Le quatuor de top prend le large et les Vipers donc 5ème au classement, aidés par leurs supporters, devront se mobiliser fortement pour ne pas trop se faire distancer. Rendez-vous également samedi pour la réception de Toulouse dans le derby. Voilà. Dernier résultat, même pas résultat puisque c'est le Montpellier Water Polo qui ne jouait pas ce week-end, étant donné que le championnat de water polo a 9 équipes. Du coup il y a une équipe chaque week-end qui ne joue pas, et ce week-end c'était pour Montpellier. C'était relâche. Donc prochain match compliqué à l'extérieur, si je me trompe pas, à Garges, Gibson qui est 5ème, donc voilà. C'est en France aussi ça? écoute, je sais pas où c'est Garges. Alors moi en voyage on découvre des villes. Hein. Garges et Gannès en région parisienne, midi en France. Ouais, je crois que c'est ça, c'est la région parisienne. Il connaît celui-là. On va faire notre première pause musicale, on va commencer avec MGMT et Time to Pretend, à tout de suite. Quel accent. I'm feeling rough, I'm feeling wrong in the De retour sur Sport & Chill, c'était MGMT avec Time to Pretend, le titre. On va passer tout de suite à l'interview de Chill avant la parole de Chillers. On va changer, c'est l'interview de Chill tout de suite. Jingle. Sport & Chill, l'interview. L'interview Chill. Et j'accueille ce soir donc Rachel Alcovero avec deux R, je me suis pas trompé, et Damien Leroux, donc son coach pour le BLMA. Avec un seul R, non, Leroux. Avec un seul R, voilà. Ouais. En un seul mot. Je remercie encore une fois. Je remercie encore une fois Léa de nous avoir fait le lien avec encore des jeunes talents de Montpellier. Donc toujours un plaisir de faire équipe avec le Krebs de Montpellier. Si peut-être première question très rapidement, est-ce que tu peux te présenter en une minute, juste savoir ton âge, où tu en es dans ta scolarité et à quel niveau tu joues au basket notamment. Alors du coup, je m'appelle Rachel Covero, j'ai 16 ans et je suis à l'internat de Montpellier, au Krebs de Montpellier. Ouais. Je joue pour le BLMA, donc basket. Les gazelles. Ouais, les gazelles. Les dates. Et je suis en première S. Ouais. Au lycée Jean Mermoz. D'accord. Et au niveau des catégories, donc BLMA, tu joues à... Je joue avec les U18. U18, ouais. Et ça m'arrive aussi de jouer avec les National 2. D'accord. Et du coup, les U18, c'est on joue au meilleur niveau de notre catégorie. Mmh. Donc l'élite. Pas mal. Voilà. Là, si elle joue un peu en National 2, ça prouve déjà un certain niveau. Dis-moi, j'ai une question. Quel est ton poste préférentiel? À quel poste tu joues, ouais. Je joue en poste, je joue meneuse, poste et hier, donc poste 1, 2. Mmh. Et préférence, je sais pas si j'ai une préférence vraiment parce que. Attention, il y a le coach là. Ouais, voilà. On avait parlé de ça. Ne réponds pas sincèrement. J'aime tous les postes. Voilà. Non, mais ce que j'aime, c'est que justement, je peux. Bouger, ouais. Jouer, organiser différents postes. Ouais. Tourner, c'est ça que j'aime bien. Tu peux faire. Ton point fort, ce serait plutôt la passe ou le shoot. Parce que vous savez, il y a les. Assistants. Il y a les spécialistes du shoot, comme Stephen Curry, et puis il y a les spécialistes. Tout de suite, il commence à comparer avec. Référence, forcément. Oui, référence. Ou bien l'organisation du jeu, comme je prends par exemple. Chris Paul. Chris Paul, par exemple, qui est un bon passeur. Moi, je ne suis pas spécialement une scoreuse. Donc, j'essaie plus de distribuer le jeu. Et c'est ce que j'aime le plus faire, essayer de mettre. C'est bien. Après, je vais continuer. Je vais demander à Damien aussi de se présenter un petit peu. Et je voulais savoir, donc, vous êtes arrivé donc, à Montpellier cette année, si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc pourquoi Montpellier? Pourquoi est-ce que vous a intéressé ce projet à Montpellier? Ouais, parce que le projet vraiment est intéressant par rapport à la structure. Parce qu'il y a vraiment une très belle structure avec le Krebs là, pour nous accueillir. Il y a des dirigeants qui sont vraiment investis dans le projet pour développer les animations. Moi, ça fait un peu plus de 15 ans que je fais ça et c'est vrai qu'on a souvent joué l'un contre l'autre. J'ai toujours trouvé que la structure était intéressante. Ouais. Puis bon, quand on s'est mis en contact avec le club, moi je me suis lancé dans le projet. Et puis je regrette pas parce que vraiment c'est pas mal. C'est vraiment une belle structure, une très très belle structure. Vous veniez d'où avant ? J'ai fait Nantes pendant 3 ans. Ouais. Et avant, j'étais à Aix-en-Provence là pendant 7 ans. D'accord. Au niveau du. Alors, moi, c'est peut-être une question en amateur de basket parce que je sais que vous savez que je ne suis pas spécialiste on de basket. On le sait malheureusement. Au niveau des types d'entraînement, est-ce qu'il y a un entraînement différent entre les garçons et les filles? Est-ce qu'il y a un truc qu'on doit plus axer peut-être chez les garçons, peut-être chez les filles par rapport à l'autre ou c'est vraiment pareil? Moi, j'ai tendance à dire que c'est pareil. Ouais. La différence après se fait au niveau athlétique parce que les filles forcément n'ont pas le même niveau athlétique. Ouais. Mais après pour moi ça reste des athlètes en fait. Donc ouais, le basket c'est le basket. Après il y a des choses qu'on peut faire un peu plus avec les garçons sur le plan athlétique. Mais les filles sont un peu plus disciplinées sur le plan collectif. Mais voilà après ça reste on apprend le même tir, le même dribble. Voilà. Tout est pareil pour moi. Je voudrais poser une question. Êtes-vous un adepte de small ball? On va dire, vous reprenez différentes techniques, tactiques, peu importe l'âge en fait. Il m'a dit ce mot, je n'ai rien compris tout à l'heure. Donc, il va connaître, en principe il devrait connaître. Voilà, le small ball en fait c'est jouer petit par rapport au basket où en général on joue contre des grands et les... les joueurs aux joueuses de petite taille sont amenés à pouvoir aller un peu plus vite, donc c'est prendre ça justement l'adversaire à défaut par rapport à ça. Et nous on joue exclusivement small ball cette année parce que de toute façon on n'est pas très grand du tout. On est presque obligé de déficit faire, à ce niveau-là dans le secteur intérieur, donc on joue que small ball, non. On n'a pas le choix. Intéressant. Du coup, qu'est-ce qui vous a le plus séduit dans ce projet que vous proposez par rapport aux autres, ouais. Enfin, est-ce que l'effectif a beaucoup changé cette année? Est-ce que c'était de construire un groupe ou plus d'être dans la continuité En fait, c'est pas du tout sur le plan de l'effectif actuel, c'est plutôt le potentiel de la structure. Où il y a vraiment un potentiel très important pour pouvoir permettre aux filles de se développer pour atteindre le haut niveau. Parce que, avec la relation qu'on a avec le Krebs, le lycée Mermoz, les installations, le volume horaire d'entraînement, parce qu'on s'entraîne une quinzaine d'heures par semaine, mais on va augmenter ça l'année prochaine, ça amène un vrai potentiel pour développer les filles vers le haut niveau. Et comme on a une équipe première qui marche plutôt bien, la ville de Montpellier est très attractive aussi, que ce soit sur le plan déjà climat, et puis surtout au point de vue sportif, scolaire et étudiant et compagnie. Pour accueillir des filles comme Rachel ou autres qui veulent se développer et scolairement et sportivement, c'est bien structuré, la structure est vraiment adaptée. Et justement, Rachel, comment tu arrives à allier à la fois cours et sport? Quelles sont tes journées type en fait? Généralement, je fais 8h midi, 13h, 16h ou 14h, 16h les cours. Et directement, enfin, nous on a les entraînements, on va dire, assez tard dans la journée par rapport à d'autres sports. Donc souvent ça va aller par exemple d'une séance de muscu 17h15, 18h30 pour après enchaîner sur le plan basket de 18h30 à 20h15, 20h10. Au niveau de la proportion peut-être muscu-basket, c'est quand même beaucoup plus de basket que de muscu, c'est-à-dire muscu, oui. Par exemple, dans la semaine, t'en fais combien? On en fait 2 heures par semaine. Ouais, d'accord. Donc oui, c'est après, vraiment... Après, c'est que du jeu après. C'est un plus, c'est surtout pour... Oui, bien sûr. Projet plus personnel. Moi, je voulais savoir, au début, quand tu as commencé le basket, déjà quand tu as commencé le basket, et puis est-ce que c'est par passion que tu as fait le basket, ou est-ce que tu as testé comme famille ça par hasard et que tu as vu que tu savais plutôt bien jouer et que tu as continué dessus? Ou est-ce que c'est vraiment une passion forte, quoi? J'ai commencé il y a 8 ans. Du coup, j'avais 8 ans. Et, vous avez le calcul quand même. En fait, non, de base, je faisais. Je faisais du tennis et vu que c'est un sport co et que la structure dans laquelle j'étais, c'était pas ouf et ça allait pas trop. J'étais plus moi vraiment dans l'optique de vouloir faire un sport collectif. Et dans ma petite ville, Narbonne, il y avait soit le volley, soit le basket. Et vu que j'avais un ami d'école, il jouait au basket, je me suis dit je vais mettre au basket. Ouais. Et en fait, c'est la révélation. Voilà. Au fur et à mesure, j'ai commencé. Direct, t'as senti que. Ouais, vraiment à aimer en fait. J'ai appris à aimer, on va dire, le basket. Et j'étais pas en mode je suis fan de basket et tout ça. Et de plus en plus, en grandissant, vivant des choses comme les sélections et tout ça, ça m'a. Tu kiffes de plus en plus. Exactement. Ah, c'est bon signe. Et du coup, maintenant, c'est ma passion. Ça roule. C'est une belle passion. Et du coup, si tu devais définir un objectif là pour ta saison, d'ici la fin de saison, et un objectif à plus long terme, ce serait quoi dans le basket? Quand tu me poses cette question, un objectif là pour la fin de saison, ce serait plus faire quelque chose au niveau de la Coupe de France U17, parce que c'est ma dernière année. Et j'ai eu la chance de, il y a 2 ans, vivre avec un an d'avance la Coupe de France U17 et le BLM1, et on a été vice-champion. Et c'était une expérience genre juste inoubliable, c'était vraiment trop trop bien. Et j'aimerais faire découvrir ça aux autres filles. Et vu que moi c'est ma dernière année, tenter un truc, ce serait vraiment cool. Et alors, à long terme en fait, tout dépend ce que je continuerai à faire au niveau des études, parce que je veux continuer les études. Et ce qu'au niveau basket, moi, si ce que j'arrive à produire, si j'arrive encore à me développer, à évoluer. Mais pour moi le mieux ce serait de... continuer à allier études et basket, quoi. Ce serait top. Ouais. Au niveau de ça, moi je me demande si à 16 ans on pense déjà grand, c'est-à-dire on pense déjà à l'équipe de France, on pense déjà à des compétitions internationales, ou on se dit non, ça viendra avec le temps, quoi que ce soit. Oui, oui, forcément. Enfin, je pense que aussi ça dépend des personnes. Enfin, on n'a pas tous les mêmes objectifs ou quoi. Ouais. Mais on est obligé d'y penser parce qu'en étant dans une structure comme le centre de formation ou quoi, on entend forcément tout le temps parler de ça, des équipes de France, que ce soit jeunes ou plus vieux. Donc oui, on y pense et enfin, ça nous fait rêver vu qu'on est en centre de formation, donc on est dans un club pro. Et quand on voit par exemple le BLM en Euroleague ou quoi, enfin, ça nous fait forcément rêver. Donc oui, on est baigné, on va dire, dans ça déjà. C'est quoi pour toi l'apogée, le meilleur moment d'une carrière de basketteuse? Est-ce que c'est jouer pour son pays, la France, gagner une Euroleague, jouer les Jeux Olympiques, ou qu'est-ce que ça serait pour toi? Je pense que déjà représenter son pays, ça doit être quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment beau. Et les JO aussi, parce qu'on se confronte aux autres nationalités, donc ouais. Ça a l'air vraiment, vraiment bien. J'ai vu qu'au Krebs, quand on passe dans le Krebs, il y a des affiches des JO, des différents JO de, ouais, de toute l'histoire. C'est pour leur donner envie, ouais. Ouais. je trouvais ça intéressant. J'aurais une question à poser à Damien. Je voudrais savoir, vous savez que... Par le passé, Montpellier a connu certains succès. Je pense à l'entraîneuse Valérie Demoury qui a laissé une trace indélébile dans la structure du club. Mm-hmm. Je voulais savoir, est-ce que vous avez gardé des contacts ou vous allez écrire votre propre histoire, en fait? Vous avez gardé certaines... Ah ben, là, l'objectif, c'est vraiment d'écrire une nouvelle histoire. Le club a restructuré un petit peu... l'équipe professionnelle et les sommations en termes de staff et de joueuses, surtout sur les pros à l'intersaison. Donc on a changé de président, on a changé d'équipe dirigeante, même s'il y a encore quelques dirigeants de l'ancienne direction, beaucoup ont changé. Une saison de transition quand même. C'est vraiment, vraiment la transition. On a changé de coach sur l'équipe professionnelle, d'adjoint aussi. Je crois qu'il reste que 2 ou 3 joueuses dans l'équipe pro d'année dernière. Donc voilà. Ah ouais, changement de temps. On change vraiment, on veut écrire notre histoire, donc ça va pas se faire en un an, mais voilà, sur les 2-3 années qui viennent, l'objectif est de continuer à briller comme ça a pu briller ces dernières années, mais voilà, il faut patienter, c'est un an de transition et après on reconstruit vraiment l'année prochaine pour retrouver le palmarès que peut avoir Montpellier depuis des quelques années. Je tiens juste à souligner, parce que Rachel est un peu la timide, et elle s'entraîne déjà régulièrement avec l'équipe professionnelle. Elle a déjà fait, je crois, un ou deux matchs en Euroleague. Ah, d'accord, elle ne l'a pas dit ça. C'est pour ça que je l'ai souligné. Il faut y a du potentiel. Et par contre, on la flatte trop. Alors, même si c'est l'entraînement ou même si c'est pour faire un banc en Euroleague, qu'est-ce que tu ressors quand tu rentres dans cette compétition? Tu sens une différence ou par rapport à ton match du week-end en championnat ou... Ah, ça va faire quelque chose quand même. Ouais, bah déjà, fin, sur le coup, la première fois, j'ai pas vraiment réalisé. J'ai surtout réalisé pendant et après le match. Et ouais, fin, ça fait hyper bizarre parce que de base, nous, on est spectateurs. Quand voilà, on est là, on est fans des pros, on est les premiers supporters et tout ça. Et après, on devient vraiment acteur. Genre, on est dans tout dans ça. Le match, quoi. Enfin, voilà, c'est ça. Ouais. Et non, c'est une sensation juste incroyable. Et c'est très impressionnant. Un peu de stress peut-être, je suppose. Ouais, énormément de stress. Plus de stress là-bas qu'à la radio? Oui, quand même. J'espère quand même. Est-ce que ça te sert du coup après quand tu redescends en équipe jeune? Enfin, t'as 16 ans, mais donc il y en a qui sont peut-être plus vieux que toi dans l'équipe, je suppose. Oui. Mais est-ce que du coup, t'es un petit peu une leaduse quand même ou pas quoi, au niveau du caractère dans le groupe quoi, enfin... Déjà, je pense un peu parce que vu que j'ai la chance de découvrir... on va dire l'étage au-dessus, ouais. Ouais, voilà, le mieux. Ça m'apporte des choses que certaines filles n'ont pas, et du coup moi je peux à mon tour leur transmettre ce que j'ai appris, et du coup voilà, ça fait que j'ai des ressources que, on va dire, certaines n'ont pas, et du coup j'essaie de partager ça avec elles. Une légitimité un petit peu. D'ailleurs, quand on est meneur de jeu, je suppose, au basket, il faut avoir déjà, ça se retrouve un peu dans le caractère. Des échanges solides, ouais. D'ailleurs, moi, je voulais savoir au niveau de ça, qu'est-ce qu'il faut comme qualité, c'est pour même Damien ou Rachel, qu'est-ce qu'il faut même comme qualité pour être une bonne basketteuse? Vas-y, je t'en prie. Pour être une bonne basketteuse, je pense qu'il faut... Avoir la patience peut-être ou... Ouais, enfin, rester lucide dans n'importe quelle situation. Quand ça va très mal comme quand ça va très bien, que c'est entre les deux, rester lucide. Toujours essayer d'avoir un esprit positif, parce que, surtout si on est, on va dire, un meneur. Ouais. Si on... on est dans le négatif, eh ben, on va. Ça se ressent peut-être. Ouais, c'est ça, ça se ressent. Il y a des ondes négatives qui vont être transmises sur nos, dans nos coéquipières et ça va se ressentir. Donc c'est quelque chose qu'il faut essayer de contrôler, même émotionnellement et tout ça. Je pense que c'est très dur au niveau voilà, de l'aspect, on va dire, mental. Ouais. Et après, voilà, enfin, meneuse, il y a des obligations. On doit diriger, mener l'équipe, quoi. Donc, c'est vraiment, on va dire, orienter nos coéquipières, quoi. Et Damien, peut-être un peu plus général, qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour être une bonne basketteuse ? Bonne meneuse, peut-être aussi. Une bonne meneuse, je pense que Rachel a plutôt bien résumé justement le profil, parce que la stabilité émotionnelle, c'est important, parce que il faut pouvoir voir ce qui se passe, et la meneuse, c'est elle qui dirige, c'est vraiment le relais du coach par rapport à ça. Donc et si on est un peu perturbé par nos émotions, on voit pas ce qui se passe. Et en plus, l'équipe sport d'adresse. L'équipe le subit après aussi. Voilà, l'équipe le subit, c'est un sport d'adresse, donc si on n'est pas en confiance, et ben forcément l'adresse s'en fait ressentir aussi. Donc je pense que la stabilité émotionnelle, là, comme l'a dit Rachel, c'est vraiment la qualité première d'une bonne joueuse de haut niveau, ça c'est sûr. Après, savoir qui on est. Parce qu'il y a des joueuses qui sont plus dans le scoring, d'autres qui sont plus un rôle défensif, d'autres qui ont, voilà, chacun a son rôle, et accepter ce rôle-là. Si on connaît son rôle et qu'on l'accepte, forcément on va pouvoir apporter beaucoup plus à l'équipe. Et puis ben, les meneuses, elles, sont plutôt dans l'organisation, dans le vouloir partager, dans le vouloir transmettre des choses. Donc, pas se disperser. Et question au coach, du coup, pour être un meneur d'une équipe féminine, est-ce qu'il faut un truc spécifique ou pas ? On a parlé tout à l'heure de l'entraînement entre les garçons et les femmes, il nous avait dit que c'était pareil, mais plus au niveau psychologique, peut-être, quand on est un homme. Une grande question, c'est plutôt, je pense, à une femme qu'il faut demander ça. Bien vu. Enfin, vous, comment vous le. Moi. Vous l'appliquez, enfin, est-ce que. Vous... En fait, j'ai une approche je fais pas vraiment de différence. J'ai pas le sentiment que ce soit vraiment différent. Alors, si, il y a des choses qui sont différentes dans la communication. Je pense que les filles aiment qu'on communique pour que les choses soient claires, mais je pense que les mecs, c'est pareil. Voilà, peut-être qu'on dit les choses un peu moins crûment à une fille qu'à un mec, mais pourtant je suis pas, aussi, je suis pas non plus très tendre avec elle tous les jours, donc ouais, je pense que c'est juste une question de dose, mais voilà quoi, je pense pas qu'il y ait vraiment de différence non plus. La plus grosse différence entre les filles et les garçons, pour moi, c'est les filles sont beaucoup moins égoïstes, elles partagent beaucoup plus quand ça va pas, il y a plus de partage par rapport à ça. Pour moi, c'est là où il y a la plus grosse différence. Après, le reste, ça reste des athlètes, quoi. C'est pour ça que Vous avez entraîné une équipe de France jeune. Ouais, ça c'était fille ou garçon. Sur les filles, ça fait 5 ou 6 ans là que je suis sur les équipes de France jeunes là. Donc j'ai fait un peu toutes les catégories. J'ai fait moins de 20, moins de 19, moins de 16. Enfin voilà, quoi, ça fait 5 ou 6 ans que je fais ça. D'accord. Je fais les A' aussi. Donc c'est l'étape juste avant les A. En fait, les A, donc c'est l'équipe que tout le monde connaît à la télé. Et puis les A', c'est les futurs A. Les jeunes. Voilà. Ouais. Et du coup, tu disais que Rachel avait déjà participé à l'équipe première à 16 ans. Est-ce que c'est quelque chose de courant de voir des jeunes joueuses de 16 ans participer à des matchs en équipe première ? Ou est-ce que c'est vraiment plutôt. On a un talent brut ce soir, en fait, c'est ça ? Il y a un talent brut, ça c'est sûr. Il y a un diamant, ça nous fait de la pub. Là, là c'est. Un chemin. Non, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, mais c'est pas non plus très, très fréquent. C'est-à-dire qu'il y a. Allez, il y a 12 clubs de ligue féminine. Sur les 12 clubs de ligue féminine, il doit y avoir 3-4 joueuses comme Rachel qui ont 16 ans, qui sont à s'entraîner avec l'équipe pro. Voilà. Ouais, après, en entrant en Euroleague, il y en a très peu. Comme a pu le faire Rachel, il y en a très peu. Parce que Rachel, on la tient notre pépite alors. Voilà, parce que Rachel a les qualités pour ça. Et puis, on a la chance d'avoir aussi un coach sur l'équipe professionnelle qui est Rachid Méziane, qui donne sa chance aux jeunes. Et ça, c'est top, quoi. Ouais. C'est, là-dessus, pour les filles de formation, c'est du bonheur parce qu'elles savent que quand elles viennent après Montpellier, elles vont pouvoir intégrer leur chance. Il y a une vraie volonté de s'appuyer sur le centre de formation. Complètement, ouais, complètement. C'est vraiment un des objectifs voilà, qu'on a avec Rachid, c'est vraiment de développer la formation pour qu'elles alimentent l'équipe professionnelle. Ça, c'est sûr. Ça a été important quand vous avez pris votre décision pour venir ici ? Complètement, oui. Complètement. C'était parce que c'est pour faire juste de la formation lambda, on va dire. Et puis sans continuité derrière. Ça sert à rien pour l'équipe. C'est ça, pour local. Rien, donc c'est le challenge justement qui est intéressant. Qui est intéressant, ouais. C'est ça. Peut-être une question un peu plus personnelle sur tes idoles, peut-être basket féminin, même basket masculin, même sur le sport, un sportif en général. Est-ce que t'en as ? Est-ce qu'il y en a qui t'influencent peut-être dans ta vie au basket ? Il y a deux joueurs, on va dire, NBA que j'aime bien. Enfin, du coup, Steve Nash, qui joue plus maintenant, qui est meneur, mais qui est aussi très tout ce qui est technique, passeur, tout ça, que j'admire vraiment parce que je trouve ça ouf. Et tous les cœurs, c'est ça. Ouais. Phoenix, Dallas Mavericks aussi, non? C'est au Phoenix, je crois. Quand même. Donc Steve Nash, Et Jason Williams, qui est, c'est le même style de joueur. En fait, c'est dans les passes, tout ça. Ah, du coup. The White Chocolate, comme son âme. Tu regardes souvent, du coup, un peu la NBA ou... Non, pas plus que ça, parce que déjà, au niveau des horaires et tout, voilà. Ouais, ça me compliqué. Je voulais savoir, j'ai une question, parce qu'on parle beaucoup de ça. As-tu une joueuse, par exemple, en WNBA ou en poids, qui te sert, par exemple, de modèle, par exemple, qui t'a inspiré en style de jeu? Bah là du coup c'est pas mon poste mais Elena Dalton. Elena Dalton. Ouais. Parce que genre elle est vraiment complète et c'est vraiment pour moi une grande joueuse WNBA et elle a un bon comportement et tout ça, genre j'aime bien sa façon de voir les choses et son esprit et je pense que c'est l'idole de pas mal de jeunes joueuses. J'ai une dernière parce qu'on est dans l'actualité à Ekaterinbourg. Il y a une joueuse de légende comme le BMA va affronter, c'est Jama Torasi. Que penses-tu de cette de grande dame? C'est un pilier du basket, enfin, Torasi quoi. Enfin, je pense que toute jeune joueuse, on va dire, a déjà entendu non Torasi quelque part. Donc, Est-ce que vous avez encore des questions avant que je fasse la dernière question ou... Non. Moi, une petite remarque. Moi qui aime bien le basket, je sens vraiment un état d'esprit différent. Une jeune de 16 ans qui a déjà fait des apparitions en pro, pas d'enflammade, contrairement au foot où... Nous, on s'enflamme. Sûrement, le gars serait déjà envolé vers je sais pas quoi. Là, on sent qu'elle est posée. Dans l'état d'esprit du basket, ça fait plaisir, ouais. Ok, très bien. Je vais terminer avec ma dernière question pour vous deux. Si des jeunes joueurs ou joueuses de basket nous écoutent aujourd'hui, que leur diriez-vous pour qu'ils se lancent dans le basket? Pour qu'ils se lancent dans le basket? Ouais, pour qu'ils commencent le basket. Si vous voulez... Vendre ton sport, en fait. Ouais. Si vous voulez partager des émotions très fortes, c'est le basket qu'il vous faut parce que c'est le sport collectif, je pense, qui réunit bien, on va dire tout ce qui est relations humaines et tout ça, qui est très beau à vivre. Et puis ce qui est bien, c'est que, moi c'est ce que je pense, il y a 5 postes, donc il y aura forcément 5 joueuses différentes, donc ce qui fait qu'il y a encore plus à dire de diversité. Et du coup, ça c'est cool parce que. En grandissant, j'ai vu que le basket, ça pouvait réunir plein de classes sociales ou quoi, jeunes filles différentes. Et ça, c'est vraiment bien. Puis vous êtes bien un groupe, quoi, soudé. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est important. On est toutes différentes et justement, chacune apporte sa pierre à l'édifice. Ok, très bien. Et Damien, pour conclure, du coup? Pas facile de parler après Rachel. C'est vrai. Un futur coach peut-être. Ouais, c'est ça. Je pense qu'elle a trouvé sa vocation. comme dit Rachel, c'est que ça peut correspondre à tout le monde parce que les 5 postes sur le terrain sont ces 5 profils différents. Mais bon, le plus important c'est qu'ils prennent du plaisir à jouer. Et puis après, s'ils aiment ça, forcément, qu'ils n'hésitent pas à venir partager ça dans les clubs ou sur maintenant le 3-3 se développe de plus en plus. Donc ça va être au JO là en 2024 à Paris en plus. Donc il faut pas hésiter quoi. Il y a différents profils. Il y a un peu plus le 5-5 qui est un peu plus structuré, le 3-3 qui est un peu plus spectaculaire. Ouais. Donc ça correspond à tout le monde. Donc c'est ça qui est bien. Donc faut s'investir là-dedans et il y a plein de valeurs en plus du sport qui sont vraiment qui se perdent dans beaucoup de sports, mais au basket ça tient la route encore. C'est ça. On a eu d'ailleurs on parlait de représenter son pays, c'est peut-être Rachel qui va me reprendre. C'est l'année dernière ou il y a 2 ans, une ex-joueuse du Krebs et du BLMA, du coup Johanna Lukoki, qui a été championne du monde de 3-3 avec l'équipe de France. C'est ça. Et je suis même championne européenne. D'ailleurs Paris 2024, on en parlait, dans 7 ans tu auras 23 ans. Ah, c'est le bel âge. Ça peut être un projet intéressant. C'est le bel âge. J'ai rien dit. Hein. Je n'ai rien dit. On le lance comme ça. Non, tu fais ce que tu voilà, veux. Après. Nous, on s'enflamme très rapidement. Hein, ça, on le sait. Voilà. Non, en tout cas, on vous remercie sincèrement d'être venu avec nous parler de basket féminin. Puis on se revoit après les JO alors. Hein ouais. Merci à vous. Et donc merci, toujours un plaisir, et encore merci au Krebs de nous faire l'intermédiaire. Ah, ça fournit, pour connaître des nouvelles personnes et on des espère pépites, que sûrement. C'est ça, on espère que ça va bien se passer dans les années qui arrivent, que ce soit pour Rachel, Damien ou pour le BLMA en général. Donc voilà, on vous remercie. Merci. On va passer à la pause musicale. La deuxième pause musicale, c'est Otis McDonald et c'est Behind Closed Door. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Retour sur Sport & Chill, c'était Otis McDonald avec Behind Closed Doors. Voilà. T'en es bien sorti, ouais. Un petit son de 2 minutes, nickel pour repasser tout de suite à la parole est aux chillers. Jingle. La parole est aux chillers. On va commencer tout de suite avec Guillaume parce que je sens qu'il est chaud, il est chaud. Ah là, ouais, chaud patate. Aujourd'hui, ouais, un petit peu. Ouais. Je t'en prie, vas-y. Je suis un peu agressif. Non, j'ai essayé de me calmer, mais non, c'est juste là. Bon, c'est un week-end parmi tant d'autres, mais là, il y a eu pas mal de faits d'arbitrage qui sont encore très regrettables dans une période où j'ai ouï dire que la Ligue 1 progressait. Alors certes, c'est vrai, il y a des équipes qui deviennent de plus en plus intéressantes, il y a des projets de jeu intéressants, il y a des entraîneurs étrangers intéressants, mais il y a encore ce problème pour moi qui est trop persistant en France. C'est déjà, bon, on a déjà parlé des problèmes de pelouse qui sont pour moi pas encore à la hauteur d'un championnat important. Et concrètement, il y a des pelouses qui ont au niveau d'amateur, je parle pas forcément celle de la Mosson, mais il y en a pas mal d'autres. Et puis surtout l'arbitrage, alors on a déjà parlé depuis des années, il faut une formation, il faut qu'on forme les arbitres, pas les sortir comme ça du chapeau, et les mecs qui passent le diplôme, on sait pas trop comment, et ils arrivent arbitres professionnels de Ligue 1, parce qu'honnêtement, bah, tu le vois dans toutes les grosses compétitions, que ce soit européenne ou mondiale, bah, y a très peu d'arbitres français qui sont représentés. Et on sait pourquoi, parce qu'en Ligue 1, chaque week-end, y a des arbitres qui ne sentent pas le jeu. Quoi. J'ai l'impression qu'ils ne sentent pas le jeu. Je me demande si des fois, certains aiment le football. Tu sais, est-ce qu'il y en a certains qui regardent le football, qui l'ont un peu pratiqué, qui le comprennent, parce qu'il y a vraiment des décisions qui vont des fois à l'encontre du sens du football. Quoi. C'est ce qui m'inquiète le plus. Outre, alors encore plus, j'aimerais aussi qu'on travaille aussi sur le comportement. Qui, bien sûr, moi je suis pour le respect de l'arbitre, que les joueurs soient exemplaires. Moi aussi ça m'agace quand tous les joueurs viennent réclamer auprès de l'arbitrage. Mais aussi, il faut que ça aille des deux côtés aussi. J'en peux plus de cette arrogance des arbitres, quoi. T'as l'impression que tu touches à un politique ou je sais pas quoi. Ils ont une telle suffisance et une telle arrogance qu'en fait, t'as aucun dialogue. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ils ne sont... Lui au moins il est aussi agressif que moi peut-être. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de débat, ils sont jamais, ils se remettent jamais en question et on a l'impression qu'on ne peut jamais les toucher de la Tour d'Ivoire et ça se trouve c'est regrettable parce qu'au final personne n'avance, pas le football n'avance pas en tout cas. Réaction très rapide. Juste là-dessus très rapide, ouais. Alors je suis pas le meilleur défenseur des arbitres d'habitude non plus, mais juste là-dessus, ce week-end il y a un Lyonnais, je crois, c'est Marsal ou c'est un autre Marsal, qui a touché l'arbitre. Bon, l'arbitre vient vite vers lui, mais alors avant on aurait peut-être dit ah si l'arbitre met rouge à la française là, qui dégaine tout de suite sans chercher à comprendre le sens du jeu. Elle a tenu chaperon un peu. Bon, il va peut-être prendre cher en commission, il va peut-être prendre 2 ou 3 mois. Ce qui serait logique. Il a touché l'arbitre, je sais pas. Mais là, alors là, pour une fois, on peut peut-être dire que l'arbitre a pris un peu de recul, a été dans le sens du jeu et a pas dégainé le rouge direct en fait. Après voilà, moi j'aime bien quand il y a une petite réflexion, il y a un dialogue quand sans arrogance quoi. Voilà, quand ça discute un peu, qu'il y a un échange, parce que des fois c'est vrai que c'est frustrant quand t'es joueur, si tu le fais pas, si tu le râles pas, mais si tu es à la mi-temps, tu viens le voir, tu dis voilà j'aimerais comprendre comment vous avez vu la chose ou quoi, tu en parles tranquillement, ça va. Mais là oui, il y en a qui acceptent, il y en a qui refusent. Zakaria a parlé à l'arbitre hier à la mi-temps alors que Ranieri s'est fait envoyer balader voilà, mais voilà. D'une manière arrogante, comme voilà. Si Ranieri c'était le plouc premier venu du quartier. Et puis, là, pourquoi ne pas, pourquoi pas faire des interventions télé où ils expliquent leur exactement match. Mais déjà il y aurait un meilleur a priori vis-à-vis du public et il y aurait une meilleure image des arbitres. C'est ça. Si le mec s'est planté, il dit ben voilà, sur cette action de jeu, c'est aller vite, à action réelle, voilà, c'est aller vite. Je suis masqué, ou voilà, j'accepte. Je pense que machin a fait faute. Et, voilà. les spectateurs et les joueurs l'accepteraient beaucoup plus. Ça serait mieux, exactement. Il paraîtrait plus humain. Ça, ouais. Ça leur paraîtrait plus humain. Plus sincère, exactement. Et moins arrogant. Et puis, comme disait Théo aussi tout à l'heure, il y a un vrai problème. Il y en a qui voient pas du tout le foot différemment. Il y en a qui vont favoriser plus le jeu, moins chez jeu. Il y en a qui vont hacher à la faute à tout va, le carton mauvais moment. Il faudrait quand même une vraie cohérence stars, quoi. Ouais. Oui, normalement comme on dit, il doit être au second plan l'arbitre, ouais, sinon tout à l'heure faut pas trop en parler, sinon c'est mauvais, sinon c'est mauvais signe et le football n'en sera pas garanti. Voilà. Ok, très bien, on va passer, on va continuer sur le foot, comme ça sera fait. On va parler de Benevento ce week-end qui a mis fin à une saison très noire. Premier point. Je voulais faire le coup de cœur sur la MHSC, on en a déjà parlé. Donc, petit coup de cœur pour Benevento, voilà. Ouais. Donc, égalise contre le Milan AC de Gennaro Gattuso. La dernière seconde. Avec à la 95e, un but d'Alberto Brignoli, gardien de Benevento. Alors, déjà, même si c'est un joueur, c'est un joli but. Ah, la tête, elle est belle, super, hein, gardien, bien, c'est une tête plongeante décroisée. Sûr que Johnny l'avait pas celle-là. Hein. Et en plus, c'est le premier point, voilà, de Benevento cette année. Écoutent. Pour ceux qui n'ont peut-être pas vu, il y a Benevento qui restait sur 13 ou 14 défaites. Matchs, ouais. Et il perdait donc à toute fin encore contre le Milan AC 2-1 avant que le goal, donc Alberto Brignoli, et marque le premier point. J'ai un ami, je le chambre un peu parce que sa grand-mère est de Benevento, donc voilà, c'est mon meilleur ami. Donc voilà, je le salue. Luigi, le point il est pour lui. Et, voilà. Et donc là, il m'a envoyé un petit message en disant Benevento en fusion, et voilà, bon, c'est fait. Pour eux c'est fou, même si c'est juste un point. En route vers le titre, ma, t'as dit, ma saison avec le Chievo à l'entraîneur il y a 20 ans où j'avais gagné que 2 matchs sur la saison en Serie A, surtout qu'il voilà, y a eu 13 défaites, mais quand on voyait le stade était plein. Ouais. Il y avait l'air d'avoir une belle ambiance. C'était comme une fête. Le coup de cœur aussi général pour la suite de la saison pour cette équipe, parce que bon, déjà quand tu montes comme ça, bon, tu sais que ça va être difficile. Ouais. Là, quand tu vois dès le début que t'as rien à attendre de cette saison et que tu vas redescendre en série B, la saison va être longue quand même. Donc, faut avoir du courage. La motivation est là. Ça va être dur à vivre au quotidien jusqu'à la fin de la saison. Et alors, ça va peut-être paraître dérisoire pour d'autres clubs de se réjouir de ça parce qu'ils n'ont pas gagné. Voilà. Ils vont peut-être pas marquer beaucoup de points cette année, mais bon courage à ce club quand même. Je pense qu'à la fin de la saison, c'est rien. Voilà, nous, on passe le petit bonjour à Yacine, supporter du Milan. C'est voilà. Ah, il a eu, à mon avis, il a mal digéré l'exploit. Il a à dire dans le foot italien que je préfère faire un coup de cœur. C'est vrai. On passe au basket, donc à NBA avec Utah Jazz. C'est bien ça. Utah, à qui on prévoyait l'enfer. Et qui se retrouve avec un bilan positif de 12 victoires et 11 défaites. Et ce qui se trouve en bonne position pour aller en play-off. Je tiens à noter les qualités d'entraîneur de Quinn Snyder. Parce que durant l'intersaison, Gordon Hayward est parti à Boston. Et durant ce début de saison, Rudy Gobert s'est blessé. Et Je note une perf qui a eu lieu ce week-end en point d'orgue. C'est Donovan Mitchell, le rookie, qui a inscrit 41 points, 4 passes et 4 rebonds. Ah, pour un rookie, C'est tout simplement stratosphérique. Ça n'a jamais été vu en année rookie depuis un certain Blake Griffin. Ouais. Donc, mal terminé, mais... C'est vrai que Utah, ouais, pour le coup, ils avaient fait une très belle saison l'an dernier parce qu'il y avait notamment Gobert et Gordon Hayward qui étaient en pleine bourre. Mais après, on avait déjà vu que le coach était bon parce qu'il y avait un collectif qui était vraiment intéressant. Et là, même moi compris, je les voyais peut-être s'accrocher en playoff, mais je les voyais peut-être pas sur une telle série. Au final, voilà, ça prend quand même. Et ça, ouais, c'est, comme tu dis, c'est vraiment féliciter l'entraîneur qui, malgré tout, arrive à tirer un effectif qui propose du beau jeu et des belles victoires aussi. Donc, c'est à souligner, ouais. Ok, très bien. On va terminer avec du rugby et notamment avec encore un coup de cœur. Je crois qu'il y a que des coups de cœur. Ah non, il y a un coup de cœur. Non, moi, toujours. Dernier coup de cœur, et c'est sur Mathieu Bastaro, ouais, parce que c'est un joueur qui est vraiment beaucoup décrié, mais c'est quelqu'un qui est là quand même depuis très longtemps. Qui est là depuis en équipe de France. Il est là depuis 2009, 42 sélections quand même. Il a plus de 300 matchs en top 14. On sait que c'est un joueur qui a un jeu qui est particulier, auquel l'équipe faut qu'elle s'adapte, mais c'est un joueur aussi qui peut faire des grosses bêtises, hein. On se rappelle la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande où il y a toute l'affaire avec la table, etc. Mais c'est un joueur aussi qui est attachant parce que c'est un mec qui lâche pas, et Fabien Galthié l'a bien compris, c'est pour ça qu'il l'a nommé capitaine. Il est en regain de confiance, ça faisait un à deux ans qu'il était un peu en perte de confiance, qui enchaînait les performances moyennes. Là, cette année, c'est un peu sa renaissance. Il marque un essai là contre le Loup. Il fait un superbe match. C'est clairement l'homme du match pour moi. Donc voilà, une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle aussi pour l'équipe de France, qu'il a été rappelé par Noves alors qu'il n'avait pas été appelé pendant longtemps. Il pâtit forcément des performances de l'équipe de France qui sont pas au mieux. Mais voilà, c'est un joueur qui est attachant, qui revient bien, et on espère qu'il va apporter ce plus à Toulon et à l'équipe comme de France. Tu dis, ouais, il a souffert moralement dans sa carrière, mais ouais. Il est attachant et ouais, c'est très bien pour lui. Ouais. Le coup de cœur est passé. Bon, nickel, on a été très bref. Moi, je voulais faire un petit coup de gueule, mais bon, j'aurais pas le temps. Mais... Sur quoi, pour savoir. C'était sur le public de la Mosson, et notamment. Il y avait des footix contre Marseille. Étant donné que je suis supporter du Racing Club de Lens parce que j'habitais là-bas, je suis né là-bas. Jamais un club ennemi, on va dire entre guillemets. Imaginons Valenciennes n'aurait des supporters dans les tribunes. Mais nous, on accueille tout le monde. C'est Montpellier. Montpellier veut se faire respecter et veut être un club honorable de Ligue 1. Voilà, il faut. Le problème, c'est qu'un stade comme ça, c'est pas respecté. C'est pas un public de foot. Ça parle. Ouais, ça a du mal à prendre. Le problème, c'est qu'on en parlait juste avant. Il y avait une interdiction pour les supporters qui allaient dans les autres tribunes. Bon, malheureusement, on peut pas interdire. Ouais, des mecs se prétendent supporters à Marseille, on ne sait pas comment. Et donc, moi, j'étais en tribune méditerranée et la moitié de la tribune s'est levée comme Marseille. C'est dur. Bah, t'aurais dû aller à la butte au moins. Non, mais il faut comprendre aussi que Marseille, Paris, sont les clubs qui ont le plus de supporters à travers. C'est le plus facile. Saint-Etienne qui est pas mal. Tu verrais dans les vrais clubs, Saint-Etienne, ils seront. Par contre, Des mecs qui vont souvent à Lyon, à Bordeaux. Enfin, Bordeaux peut-être un petit peu. Strasbourg, non, Saint-Etienne, c'est différent. Moi, je trouve ça dommage en fait. Tu iras à Lorient, t'auras pas un mec qui supporte Lorient qui habite à Marseille. Après, on peut pas les interdire, ces gens de supporter Lorient. Non, faut juste les brûler quoi. Je trouve ça dommage partout. Alors au stade encore plus là, hier j'ai regardé l'image dans un bar, quand Montpellier a marqué, il y avait un supporter de Montpellier quoi. Qui s'est fait sortir du bar après parce qu'il a crié trop quoi. Ces mecs là en plus tu leur dis mais t'es déjà allé au Vélodrome, ils te disent ouais deux fois alors qu'ils habitent à une heure du Vélodrome. Après on oublie un peu c'est souvent dommage, Montpellier il y a 40 000 étudiants donc pour les petits jeunes qui nous écoutent, je pense qu'ils supportent Montpellier, supportez le MHSC. C'est votre ville, donc voilà. Bon, très bien. On va faire notre troisième pause musicale, et très rapide. On se retrouve dans 3 minutes avec donc c'est le titre Magic de Olympic Airs. There's something in the world. De retour sur Sport & Chill, c'était Olympic RS et le titre Magic. Et oui, évidemment, c'était encore un son FIFA. Je suis désolé, mais je les trouve géniaux. C'est playlist, c'est sponsorisé. On va le joueur de FIFA là. Ça, c'est on sûr. Va continuer tout de suite avec le quiz. Sport & Chill, le quiz. On va commencer avec le quiz et peut-être une petite musique d'ambiance préparée par. Ah oui, bien stressante. Oh là là, ouais. Bien relaxante celle-là, merci Tom. Du coup, j'ai rajouté quelques questions pendant que vous étiez en train de parler, vu qu'il y en avait beaucoup qui ont été dites pendant l'émission. Ouais, malheureusement. Citation première, rapidité. Je vous dis pas le sport, je veux juste savoir la personne qui le dit. C'est qui veut gagner des millions, non le oui, sport. C'est ça. C'est ça. Ah, j'en peux plus du coup. J'avais dit aux joueurs que les points au classement ne comptaient pas. Que ce championnat ne comptait plus. En revanche, je leur ai dit que pour nous, nos supporters, ce club et son histoire, il fallait gagner. On n'allait pas attendre 40 ans, ce n'est pas possible. Ce soir, l'entraîneur de Benevento, non? Moi, j'ai absolument rien. Je mets un point pour les deux. Parce que pour moi, Cast, c'était Urios, l'entraîneur de Cast. Ce soir, les joueurs sont des héros, on leur a donné le maillot. Il y a eu la petite larmichette à la fin du match, Urios. Donc, point pour Théo, point pour Dimitri, je marque Guillaume. Grazie. Et Anto en face, tac. Alors, deuxième, j'avais la question sur Alberto Brignoli, mais on la fera pas. Mais du coup, j'ai trouvé une autre question. Ah. En rapport. Ah. Qui est le meilleur gardien? Qui est le gardien qui a marqué le plus de buts? Dans l'histoire du foot. Dans l'histoire du foot, ouais. Grégory Vimbé. Non. Seni. Landro. Lévi. Seni. Rogério Seni, le Brésilien. Oh, yeah. Oh, joli niveau, c'est vrai qu'il tirait tous les coups francs, c'est vrai. Avec combien de buts? On va faire un tour de table. Dure celle-là. Oh, tu commences par moi, salaud. Non, vas-y. Comme vous voulez. 49 ou 51, je donne des indices. Tant que ça. Je vais dire 49. 49. C'est bon, ok. Oh, ça fait énorme, ouais. Yeah. Allez, 25, moi. 25? 25, ça me paraît beaucoup. Ouais, ça fait. Allez, 20. 20? Ouais, mais. Allez, 30. Bah vous étiez très très loin parce que c'était 129 buts. Putain, il a mis plus de buts que Nolan Roux, hein, t'as c'est incroyable. Beaucoup d'attaquants, ouais. Ah ouais, beaucoup d'attaquants même, putain. 129 buts. On continue, rapidité. Football, qui a tweeté okay. En solidarité avec les salariés maltraités, je suis pour que la Ligue 1 se débaptise. Castorama veut son nom. Gaïdo. Castorama veut sur son nom du veut son nom sur le championnat des Français qu'il commence par les respecter. Hashtag Castorama hors de la Ligue 1. Raquel Garrido, donc qui est la porte-parole, qui était la porte-parole de France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, et qui a fait un lapsus puisque en fait c'est pas Castorama, c'est Conforama, mais c'est Conforama. Juste des doigts. Non, donc, voilà. c'est vraiment planté en fait. Je t'ai mis ton point. Non, je t'ai mis ton point. Bon, Dimitri. Dimitri est chaud. Dimitri est chaud. Les employés. C'est difficile dans les deux entreprises. Oui. Il y a eu un record. Rapidité. Il y a eu un record d'Europe ce week-end par un Norvégien. Quel était ce sport? Un Norvégien. Bah, du ski de fond. Non. Bah non, je trouve que je sais pas pourquoi il est norvégien parce que c'est pas trop son sport. Mais Soderlund, c'est pas le football. Ouais. Non. Ah non, zéro but, non, ça compte pas comme record. Ah, mais peut-être en voile? Non, c'est quelque chose qui se passe sur la longueur quand même. Sur la longueur. Je vous dis juste le temps, 2h, 5 minutes et 40. Marathon pitante. Oui. Correct. C'est le Norvégien Sondre Nordstad Moen qui remporte dimanche le marathon de Fukuoka en établissant un nouveau record d'Europe en 2h05 minutes et 48 secondes. Point pour Guillaume qui commence. J'ouvre le compteur enfin. Il était temps. Rapidité. Qui a dit? Il y a deux options: forcer la Russie à participer sous le drapeau neutre ou ne pas l'autoriser du tout aux Jeux Olympiques. Thomas Bach. Poutine. Poutine. C'est toi qui l'as dit? Ouais. Sors-moi le Thomas encore. Le petit correct, non? Tu l'as? Les deux constituent une humiliation pour le pays. Correct. Cela ferait du mal au mouvement olympique. Vladimir Poutine, sur les accusations de dopage lors des JO de Sochi. On attend le sort du CIO qui aura lieu demain. Oui, parce que peut-être qu'ils ne seront pas aux Jeux Olympiques d'hiver. Voilà. Ça serait dur quand même. Double mise, hein. Quelle série. Quelle remonte. Il revient dans le football. Le CIS, vous savez ce que c'est le CIS ou pas? C'est pas une question. C'est un observatoire du football qui sort des stats notamment. Ah oui. Intéressant. Et là, il a sorti une mise à jour sur les U21. On va faire un tour de table. Sur les U21, les joueurs de football U21 les plus chers du monde. Qui sont les trois premiers? Ouais. On fait un tour ou pas? Ouais, on fait un tour. Bah, Mbappé. Mbappé. Asensio. Asensio. On avait fait une question sur ça il y a pas longtemps. Saúl Ñíguez. Mais ça, ça a changé maintenant. Saúl Ñíguez peut-être. Saúl Ñíguez, d'accord. Mbappé, Asensio, oui, je pense que c'est bon. Et c'est peut-être le troisième qui est pas bon. Attends, c'était quel âge? U21. T'as pas de dernier, on non, passe, non, Théo. J'oublie le troisième. Moi je vais rester sur Mbappé, Asensio et en 18. Ah, peut-être Dele Alli. Et ouais, Dele Alli. J'ai pensé à lui aussi. Mbappé, Asensio, Gabriel Jesus. Pas bête ça. Donc tout le monde a un point pour Mbappé, qui est le plus cher. Ouais. Merci. Estimé à 182 millions, il a pris 49 millions en 3 ans. Correct. En 3 mois, pardon. Il a pris 49 millions en 3 mois. Belle progression. Deuxième point, et le seul qui marque 2 points, c'est Théo Dele Alli, 180 millions. Putain, je le savais. Putain. Et le troisième, personne ne l'avait, c'était Leroy Sané avec 124 millions. Ah ouais, pas bête. Donc Théo 2 points, Dimitri 1 point, Anthony 1 point, Guillaume 1 point. Pour l'instant, le score, Dimitri 4, Théo et Guillaume 3, Anto 2. Cyclisme. Non mais elle m'a fait mal. Il va de retourner la table. Au moment où je l'ai vu sourire, j'ai pensé à Delali. C'est lui qui va commencer en plus. Israël a menacé de quitter le Giro. Pourquoi? Ah oui, parce que oui, le Jérusalem Ouest. Oh merde. Jérusalem Ouest, ça marche. L'explication, c'est qu'ils ont fait voir le tracé du Giro, donc le Tour d'Italie, donc là et cette semaine. Et sur le tracé, ils ont marqué Jérusalem Ouest. Gros problème, c'est que, vu que ça commence à Israël cette année, le gros problème, c'est que Jérusalem Ouest, ça veut dire qu'il y a une partie pour la Palestine. Et c'est Israël, énorme, ça. C'est Israël, l'a pas accepté du tout. Qu'est-ce qu'ils ont lâché? Et le gouvernement israélien s'est offusqué, a dit à Jérusalem, la capitale d'Israël, il n'y a pas d'Est ou d'Ouest, il n'y a qu'à sortir à Jérusalem unifiée. Et du coup, Israël a menacé de quitter le Giro, mais bon, ils sont revenus sur leur départ. Voilà. Théo qui marque un peu dans la même veine, je me rappelle d'un lutteur iranien avait fait exprès de perdre son combat pour ne pas affronter un lutteur israélien. Ouais, je me rappelle, c'était pas très c'était il y a une ou deux semaines. Rapidité, qui a dit? Là, manifestement, on a des jeunes joueurs qui sont pas capables de faire deux matchs de haut niveau dans la semaine. Emery? Non. Ah Pascal Duprat, non? Non. Vous y êtes presque. Ouais. C'est par là. Allez, sortez. Faut sortir Sablé. Favre. Non. Gourvennec. Gourvennec. Ouais. Oh oui. Gourvennec. Correct. Entraîneur de Bordeaux après la défaite de son équipe 3-2 contre Dijon. Je crois qu'ils avaient perdu 3-0. Mais ils ont deux équipes à Bordeaux. Est-ce qu'ils en ont une déjà? Ouais, c'est ça. C'est très très serré. Parce que Théo 4 points, Dimitri 4 points, Guillaume et Anto 3 points. Ouh là là. Ouh, tout le monde est pas loin. NBA. Ah, c'est maintenant Dimitri. C'est notre rapidité, duel. Attention. Ouais, je suis une quiche. Mais... Quels sont les deux Français qui se sont affrontés cette nuit en NBA? Fournier et Nkilina. Yes. Oh, Evan Fournier pour les Magic et Frank Nkilina pour les Knicks. Ce sont les Magic qui sont imposés 105 à 100. Point pour Dimitri. 5 points pour Dimitri. Il reste 3 questions. Actif, il reste 3 questions. Voilà. Allez, il est malin comme un singe. Rapidité, c'est très très rapide, attention. Quels clubs? Pluriel. Oh, super. Ce gars, c'est un prof de français pour CM1. Bah ben non, mais ce sera important pour vous. Ouais, on perdu leur premier match du championnat ce week-end. Paris. Paris, donc un point chacun. Et... c'est forcément Ligue 1 ou. Non, non, ça je dis un championnat. Et Naples. Non. Mince, Naples, j'ai même pas vérifié. Manchester United. La Sampdoria. Non. Leipzig. Non. Manchester United. Non. Si, Sampdoria. C'est contre la Sampdoria. Tottenham. Théo et Tottenham. Non. Absent en Ligue. Valence. Villarreal. Valence. Ah yes. Va chercher mon Guy. Aïe, aïe, aïe. C'est ça qu'on veut. qui a perdu 1-0 contre Rétafé. Première défaite à domicile. Ouais, ils ont rétamé. D'ailleurs, si Romain nous écoute, qui peut envoyer un message à Théo si vraiment Naples a perdu son premier match de championnat, mais à culpa et je donnerai le point à Anthony. Première défaite à domicile de la saison. Alors. Qui a dit? Ça fait du bien d'être ici, de se battre. Ça m'avait manqué. Tom. Non. Je peux vous dire un peu plus de précision. Il a fait son retour dans son sport depuis plusieurs années. Il ne faisait que de rares apparitions dans son sport. Tiger Woods. Tiger Woods. Tiger Woods qui est revenu sur le circuit professionnel cette semaine. Il a bien entamé la première journée avant de s'écrouler lors du troisième tour du World Challenge. Point pour Théo. Qu'est-ce qu'il a fait du coup? Il fait 9ème dans le tournoi. Je sais pas le nom du tournoi, mais il fait 9ème. Dernière question. On va faire un tour de table. Et du coup, je vais mettre. Je vais mettre qu'un point parce que voilà. Ça veut dire qui est en liste encore là. Tu es jugé un peu. Théo 6 points, Dimitri 5, Guillaume 5, Anto 3. Je sais pas, il a accroché un vieux nul des familles là. Un point là. Comme hier. Oh là là, qu'est-ce que ça veut depuis... être. Depuis. Est-ce que. Non, mais non, je vais pas mettre tour points, de table. Un... Ouais, tour de table. Depuis quand Dortmund, accroché à Leverkusen samedi, un partout, n'a plus gagné en Bundesliga. Je veux la date exacte de cette année. Oh. Le jour. Oui, le jour, parce qu'il est fou celui-là. Ah, le plus près, je veux pas exactement. Mais tu veux pas mettre combien de jours plutôt. Non, je veux le plus. Bah, je l'ai pas. Je peux pas calculer. Ah. Je confirme la première défaite de la saison pour Naples contre la Juve en championnat. Ah, mais fous-la deux points celle-là alors. Information de Romain. Romain était bien toi. Il te suce Romain là, c'est, il était sous, okay, tu l'as mets, ok, je mets à deux points. Ah, merci. Oh là là. Allez, on fait le tour de table. Tu commences, Dimitri. C'est Montpellier-Marseille cet arbitrage. Octobre. Je sais pas. Je veux une date précise. T'es moi, je vais te sortir un mardi, ça se trouve. Je veux le nombre et le mois. Précise. Octobre quoi. Le jour, je sais plus quel jour, si t'as lundi ou un mardi. Je suis en calendrier moi. Juste le calendrier pour voir les jours. 15 octobre. Ouais, ça fait un moment qu'ils ont pas gagné quand même. Ils doivent être assez défaites. Bah allez, moi je dis 25 septembre. 25 septembre. Ouais, ça paraît loin quand même. Ouais, mais il faudrait regarder un samedi. Là, du coup. Ouais, c'est ce que je fais. Moi. Dépêche-toi. 7 octobre, moi. 7 octobre. Ah, attends, j'arrive. allez, le 14 octobre. 14 octobre. Ouais, j'hésitais aussi. Il va me souffler sur ça. Point pour Anthony. Confiant. C'était le 30 septembre 2017. Oh, ah, ouais, quand même. Après sa victoire à Augsbourg 2 à 1. Ça fait un petit moment, du coup, quand même. C'est depuis 2 mois. Égalité entre Anthony qui revient à la toute fin avec 6 points et Théo 6 points. À la Alberto Brignoli à la 95. Dimitri 5, Guillaume 5. Très beau quiz aujourd'hui. Ouais, on y aura pour moi. Hein. J'ai jamais eu autant de points, je crois. On va continuer, on va enchaîner. Il est 20h48 oui, avec l'agenda de la semaine. Donc, on va faire Ligue des Champions. Mardi, Roma Karabakh, Benfica Bâle, Celtic Anderlecht, Chelsea Atletico, Olympiakos Juve, Manchester United CSKA Moscou, Bayern PSG et Barcelone Sporting. Mercredi, Porto Monaco, Feyenoord Naples, Liverpool Spartak Moscou, Maribor Séville, Leipzig Besiktas, Real Dortmund, pas mal, ça. Shakhtar City et Spurs Apoel. En Europa League, les Français, donc Atalanta Lyon, OM Red Bull Salzbourg et Vitesse Arnhem-Nice. Championnat étranger, les gros matchs de ce week-end, donc samedi, Mönchengladbach-Schalke, Real Séville et Juventus-Inter. Et dimanche, Liverpool-Everton, United City, Villarreal Barcelone et Naples-Fiorentina en Ligue 1. Juste pour terminer en Ligue 1, samedi, PSG-Losc et Angers-Montpellier notamment. Et dimanche, Amiens-Lyon, Nantes-Nice ou encore Marseille-Saint-Etienne. Où il est dur ce choc du dimanche soir encore là. Moi, je vous le dis parce que le 18 décembre il y aura une émission spéciale quiz. Où je vais briller. Je vous dis juste deux mots, Marseille et dimanche soir. Okay. Enfin, trois mots du coup. Voilà. Okay. Ça sera une question du quiz. Okay. Ah, faut Marseille chercher. Dimanche. Ouais, dimanche soir. Voilà. Il nous laisse des indices. Ouais, c'est un fou. Méditez sur ça. D'une fois sur deux. Rugby. Allez, en rugby, allez, je vais retenir trois matchs. Le Racing 92 qui accueille le Stade Toulousain, Bordeaux qui reçoit La Rochelle et le MHR qui va au Loup. Ouais. Là, qui reçoit le Loup. Mais ça sera, ouais, ça sera plus tard parce qu'on recevra Glasgow en Champions Cup. Ok, handball, celui du championnat du monde de handball féminin qui commence ce mardi, qui a commencé donc ce mardi. La France affrontera le Paraguay mardi à 18h, l'Espagne jeudi à 20h30, la Roumanie vendredi à 18h. Lidl Star League, mercredi Ivry-Montpellier, Saint-Raphaël-Toulouse et jeudi, gros choc, Nantes-Paris-Saint-Germain ainsi que donc Chambéry-Nîmes. Basket NBA. Grosse semaine pour Détroit qui va devoir jouer contre les Spurs et les Warriors, et puis aussi un choc intéressant entre outsiders, on va dire, entre Utah, on en a parlé tout à l'heure, et le Thunder. Tu voulais rajouter quelque chose? J'ai déjà rajouté. Il y a deux affiches ce soir, Boston contre Milwaukee et Cleveland contre Warriors. Ok, d'accord. Ah oui, c'est vrai que c'est ce soir, en plus c'est bien fait. Et ouais, juste je rajouterais ce que j'avais oublié, ouais, c'est la Coupe d'Europe bientôt là, donc enfin cette semaine. Ouais. Donc c'est tout, je retiendrai Toulon Baf, donc Castres Olympique Racing 92, Munster Leicester et allez pourquoi. Oh oui, le choc là c'est le Saracens contre Clermont. OK, nickel. Ouais, vu que Montpellier a plus trop de T'es sûr du Cleveland Warriors ce soir? Plus trop d'espoir Montpellier. C'est bon, on passe au ski. Ah, j'ai de la boxe si tu veux, j'ai un gros combat en plus. Ouais, bah t'allais terminer. Ouais, je voulais enchaîner juste. Hein. Bah, tu voulais pas terminer. Oh, allez, si tu veux, je suis en closing. Je vais faire les sports de glisse avant et tu feras le glisse. Ski alpin, homme, slalom et slalom géant à Val d'Isère. Donc retour en France ce week-end. En Europe, ouais. Ski alpin chez les femmes, Super G est combiné à Saint-Moritz en Suisse ce week-end également. Biathlon hommes et femmes, suite de la Coupe du Monde ce week-end à Orfilsen en Autriche. Voilà. Bonne prononciation. On termine. Superbe. Par la boxe. Allez, j'entame la clôture. Écoutez, là, c'est le gros rendez-vous de la fin d'année pour les fans vraiment pugistes, parce que ça sera pas le combat peut-être le plus spectaculaire, mais en tout cas le plus technique entre deux du top 5 mondial, toutes catégories confondues. Vassil Lomachenko, l'Ukrainien, double médaillé olympique. Et Guillermo Rigondo, aussi champion olympique, le Cubain. Donc deux styles vraiment très intéressants qui vraiment valent le coup d'être vus. Et voilà, ça va être un combat pour le titre mondial WBO des poids plumes. Et c'est vraiment, je recommande à tous les fans de boxe, ça va valoir le coup. Ok, très bien. On termine par une note positive. Alors en beauté, on va terminer l'année en beauté en termes de boxe là. Pronostic, donc je voudrais faire donc le derby of Manchester entre Manchester United et Manchester City. On va faire le tour de table. Guillaume, tu commences. C'est à City ou c'est à Manchester United. C'est Old Trafford. Théâtre des rêves. Ouais. Allez, je vais te dire. Attends, j'ai pas l'inspi. allez, 2-2. 2-2. 2-2 pour Guillaume. Je vais baisser un peu, je vais dire un partout. Un partout pour Anthony. Allez, grosse cote, 3-1 pour Manchester United. 3-1 pour Manchester United. 3-1 pour City. 3-1 pour City, joli. 0-0. Oh non, je connais le Mourinho. À la cote, elle doit être belle. Je connais le Mourinho. Je connais le Mourinho et les gros matchs, il joue pas. Il va le plomber, tu penses. Ça va fermer derrière. C'est possible en plus. J'espère pas en tout cas. Au niveau des pronostics d'ailleurs, le classement c'est Théo qui est premier avec 7 points pour l'instant, devant Yacine 6 points, Dimitri, Guillaume et moi on a 4 points et les autres évidemment ils sont là à 3 points, mais on fera à la fin de l'année on fera les ratios. Donc voilà. Ouais, je dois être mal au niveau ratio par contre. Parce que j'ai pas beaucoup de points, je suis tout le temps là quoi. Donc, moi aussi, c'est pas bon signe quand même. Encore pire, j'ai le même nombre de points que toi, je suis tout le temps là. Donc là, comme quoi, je joue ma gueule, mais je connais rien au sport. Si vous additionnez vos points, ça peut le faire. Ouais, encore. On battra pas Yacine au quiz. Déjà la grosse tête, il est premier, c'est terminé. Ouais, on en a parlé là. Allez, les remerciements. Merci à vous d'être venus ce soir. Une belle émission ce soir, je trouve, avec des. Très agréable. Des beaux invités qu'on a eu ce soir. Donc, on remercie donc Rachel et Damien d'être venus ce soir et d'avoir parlé basket féminin. Une belle technique aussi là. Et merci à la technique toujours active comme d'habitude. Merci Tom, le rendez-vous qui gère évidemment de maître. Il aime pas qu'on le flatte celui-là, il est modeste hein. Et du coup on va terminer par le son de la semaine, c'est, vous savez qui c'est, donc FIFA, c'est Cerce. Non, monsieur Serge de France Bleu. Bah, il devrait commenter FIFA. Qui a commenté hier les buts de Montpellier-Marseille, évidemment, avec son. Ah, il était fou. Bon, il a dû craquer sur le but de Camara. Il a craqué, ouais, voilà, évidemment. Il a dû pleurer après, à mon avis. On termine au niveau de ça et on se retrouve la semaine prochaine. On aura un invité, c'est en boxe, tu me rappelles son nom ? Shai Naga, le boxeur du BCM de Montpellier. Très bien, on se retrouve la semaine prochaine à 19h tous les lundis sur Radio Campus Montpellier. Salut. Ciao. Salut tout le monde. Sio dans un trou de souris. Oui, c'est Sognon. Sio qui dribble encore. Voilà qui va écarter sur le côté pour Roussillon devant Sakai. Le centre de Roussillon, peut-être. Sio. Ouais, Giovanni. Le centre de Roussillon. La reprise de volée de Giovanni. Sio. Sio ouvre le score pour les Montpellierains. Magnifique reprise de volée du pied gauche de Giovanni au point de pénalty. Montpellier marque le premier but de cette soirée exceptionnellissime sur la frappe de Giovanni, sur son 4e but de la saison. Ah, qu'il est bon, et surtout qu'est-ce qu'il y a fait plaisir ce but. Oulala, il y a le feu. Sanson encore qui frappe le bras de Hilton. Penalty. Oh non. Oh non, la frappe de Sanson détournée par le bras d'Hilton. Monsieur Schneider pointe le pénalty dans la dernière minute du temps réglementaire de cette première période sous le sifflet du public. Il prend son élan, allez Benjamin. Ah, il est parti du bon côté. Il était parti du bon côté pourtant. Les Marseillais sur pénalty égalisent à la 45e minute du match. Florian Thauvin ramène les deux équipes à un partout.